Oh man, check l'autre, il y a des bonbons. C'était d'autant plus. Ouais, d'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit. Je suis vraiment jalouse. Ça veut dire, tu sais, à l'époque. Arrête ça. Je suis fucking jalouse. J'attends tout le temps, genre, le lendemain avant d'en acheter, là. Fait que, genre, à chaque année, le jour de l'Halloween, je vois les gens avec des bonbons, pis je suis comme. Anne-Marie. C'est dur. C'est quoi la beauté? C'est que maintenant, t'es un adulte. Fait que si tu veux t'acheter une barre de chocolat, tu t'achètes une barre de chocolat. Pis là, au lieu d'en avoir des petites de merde suremballées, t'en as une grande. Ah, tu peux la couper en petits morceaux, pis la manger toute la journée si tu veux. Parce que les petites de merde suremballées, c'est qu'elles sont surpriced, genre, sont trop chères avant. En plus. Ça vaut pas la peine. Donc, achète pas ça. T'en achètes une grosse, idéalement format Costco, en pack de deux. C'est des barres de chocolat deux fois plus grosses en pack de deux. Fait que c'est quatre fois plus pour le même prix. Et là, l'avantage d'être adulte, t'as une carte Costco. Ben, voilà. Costco Candy, motherfucker. Nous sommes le jeudi 31. Attends, on va le refaire, Halloween. Nous sommes jeudi 31 octobre. Vous écoutez, on a juste une vie. Épisode 250, je suis Nat. Je suis Blob. Je suis Anne-Marie. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un podcast comme la journée d'Halloween. Je pense que oui aussi. Ouais, j'essayais de penser, puis ouais, non, je pense que oui. Puis d'habitude, on essaie de se forcer pour avoir des choses spéciales, des jeux d'horreur, des choses Halloween. Cette année, ben, on va parler de... Ben non, mais... Alors, de toute façon, c'est pas la journée de l'Halloween, c'est vrai, parce que l'Halloween est reporté à demain. Là, fait que ah, c'est ça. On est peut-être pas réellement à l'Halloween, dans le fond. Ça dépend dans quelle municipalité vous vivez. Mm-hmm. C'est ça. Puis... Je suis pas mal sûr que les morts dans ces municipalités-là, ils vont attendre une journée pour sortir. Définitivement. Les fantômes aussi, les squelettes aussi, les zombies aussi. C'est ça. Fait qu'en plus de célébrer l'Halloween, on célèbre aussi, comme j'ai dit, l'épisode 250. De podcast. Et pour célébrer ça, on a préparé une émission spéciale. Et qu'a-t-elle de spécial? C'est qu'elle n'est pas du tout spéciale. Non. On n'a rien fucking préparé. On est juste rendu à Evangelion, épisode 24. C'est ça qu'on a préparé. C'est déjà donc, assez de préparation. Hey, écoute, c'est aussi, là... Je pense qu'on veut, finir un jour. Là. Oui, puis de toute façon, cet épisode-là, ça fait que c'est une mission spéciale décapitation, en fait. Comme j'ai dit dans le chat privé, Anne-Marie, ça l'a fait beaucoup réagir. Tabarnak. C'est comme, on fait rien de spécial pour l'Halloween? Ouais, il y a des têtes décapitées. OK. Alright. On va parler de têtes décapitées, ça a de l'air. Ça a de l'air. Il semble que... Combien vous avez compté de têtes décapitées dans l'épisode? Ah, il y en a plus qu'une? Je sais pas. Il me semble que j'ai fait « Oh shit, il y en a deux! » Mais j'ai peut-être pas, je sais pas. Ah, non, OK, je sais. Non, OK, je mais sais. Tu pensais-tu à l'épisode d'avant avec toutes les rays qui pètent? On le voit. Oui, on voit ça pendant un frame. Ah, ça c'est. Puis on voit aussi un pendu. Ou une madame pendue. C'est au vrai. Début, hein? Fait que plein de choses très horribles dans ce podcast. C'est vrai que c'est pas la meilleure journée pour les coups. Puis, c'est ça. Là, on en a parlé un peu avant l'émission, mais Blob t'a fouillé un peu sur comme le contexte de production. Fait que je pense qu'on pourrait en parler vers la fin. Ou peut-être pendant, si tu vois des choses... Parce qu'on n'arrête pas de dire... Ouais, j'ai oublié de dire le contexte de tout ça. On n'arrête pas de dire depuis plusieurs épisodes, genre, ah ouais, ben tu sais, le réalisateur, il allait pas bien quand il a fait ça. Mais comme, on n'a pas de preuves écrites. Puis là, Blob, il a trouvé des articles un peu plus... des sources un peu plus crédibles. Fait que ce serait le fun de glisser un mot. Puis je pense que ça va être encore plus approprié d'en parler dans les deux prochains épisodes, 25-26. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mais qu'on rentre dans le bout où est-ce que c'est clair que la personne qui écrit ça est pas bien. Je pense que c'est déjà là. Tu trouves que ça commence? Oh, on est déjà dedans. Oui, peut-être, ouais. Puis comme, c'est peut-être parce que j'ai lu quelque chose cette semaine, je vais peut-être en parler comme mot de la fin, puis essayer d'en reparler prochainement, mais ça, tout ça me trotte beaucoup dans la tête ces temps-ci, fait que comme j'avais un deuxième niveau de lecture intéressant sur l'épisode. Le pire, c'est que les deux derniers épisodes, c'est comme peut-être le moment le plus heureux de la série, puis c'était prévu de même, si j'ai bien compris. Hein? Ouais. Les deux derniers! Ok, je pensais que tu veux dire les deux précédents. Non, pas les deux précédents. Mais comme t'es fou! La fin de la série. Oui. Mais c'est tellement weird, là, où est-ce qu'on en est. Ouais, faudrait peut-être amener ça à la fin, là. C'est juste que, tu sais, le titre de l'épisode, c'est The Last Cometh. On sait que c'est le dernier ange qui arrive. Ça a été prévu, ça a été écrit dans les Dead Sea Scrolls, c'est le dernier. Mais c'est comme, tu sais, on dirait qu'un animé normal, là, ça serait le dernier boss, le dernier ennemi, ça serait le dernier épisode, là. Ça serait pas deux épisodes avant, hein. Ou peut-être, il est pas, tu sais, il apparaît dans le premier, puis là, il est à suivre, puis là, dans le deuxième. Oui. Le dernier, là, t'as la fin. The fight continues. Le fight continue pendant un épisode de temps. Non, là, on pète le dernier boss, puis il reste deux épisodes encore. C'est tellement weird. c'est quand même pas aussi pire que Twin Peaks, qui démasque et capture le méchant au milieu de la deuxième saison. Puis là, il y a comme toute une moitié de saison après qui sont comme... on sait pas quoi faire. Ouais, j'ai entendu dire ça. De quoi? En tout cas. Ouais, épisode 24 de Last Cometh. C'est quoi ce mot-là? J'ai pas cherché. Comet, c'est comme, mais écrit en ancien anglais, c'est juste ça. Ah, ok. Comme dans la Bible. Ouais, c'est came, mais en ancien anglais. Ah, donc le dernier venu. Non, c'est le dernier vient. Le dernier vient. C'est le verbe. Le verbe. Je sais pas personnellement c'est dans quel temps. Non, c'est au passé, c'est vraiment came, mais la vieille façon de l'écrire. Là. Si tu lis la Bible, ça va être écrit comme ça. Comme dans la Bible, il n'y a pas de you, il y a juste thou. C'est la même chose. Qui est le tu. Ah, attends un peu, c'est peut-être comes. Shit. Ça peut ouais, comes, ça aurait peut-être juste de sens. Ouais. Moi, je pensais. Ah, ok. Moi, parce que je cave puis que j'ai pas cherché, je pensais qu'on parlait d'une comète. J'étais comme, y'a-tu quoi avec une comète? Non, c'est comme... Des trucs dans l'espace. Ok. Non. Bon. Mais c'est qu'est-ce ça, c'est... Juste, Shakespeare, la Bible, etc. Tu t'écris de même. Comment vous l'avez... C'est quoi votre appréciation de l'épisode? Pour se partir? Moi, perso, je l'ai mieux compris que la première fois que je l'ai écouté, mais je suis resté avec le même feeling, c'est que ce petit arc-là dure pas assez longtemps. Yep. Clairement. C'est tellement ça que j'ai, moi aussi. En fait, moi, je m'en rappelais plus, parce que je me rappelle plus de la majorité de ce que j'ai vu. Mais encore là, comme dans le dernier épisode, là, les raids dans des tanks, là, ça, je me rappelais en esti, par exemple. Ah, oh, ouais. Ouais. Mais je me rappelais plus tant c'était qui dans ma tête. Je sais plus sûr si c'était Ray ou si c'était la mère de Shinji. Mais comme, c'est tout mêlé, là. Ouais, c'est ça. Oui. C'était mêlé dans ma tête, là. Ça m'avait marqué. Mais... toute l'espèce dark homo-érotique autour de Shinji, ça m'avait complètement sorti de la tête. Puis à la fin de cet épisode-là, je comprends, si ça dure 2 minutes. Ouais. Ça peut bien pas m'avoir marqué, c'est bien trop court. Puis justement, je trouve que... ben, on peut en reparler après, mais je trouve que c'est trop court pour créer un vrai... comme... une vraie émotion, genre, chez l'auditeur. Ça passe juste trop vite, là, pour que ce soit réaliste, que ce soit si choquant, puis... C'est trop... Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que dans cette version de Netflix-là, ou peut-être que c'est parce que c'est la version Director's Cut, on a un peu plus de détails qu'on avait pas qu'il y avait pas dans la version originale. Ah, ça je m'en rappelle pas. Fait que peut-être que cette relation entre les deux personnages est plus étoffée. Elle n'était pas si étoffée que ça dans l'ancienne version. Moi, cet épisode-là, le problème, c'est que je l'ai tellement vu que comme, je l'ai réécouté, mais j'étais comme « Eh boy, c'est plate ». Et pourtant, je vais en parler, mais il y a comme, je suis sûr qu'il y a des scènes que j'avais jamais vues. Fait que je pense qu'ils ont rajouté des affaires. Je vois les... Puis j'ai pas de preuves autre que mon souvenir, mais en tout cas, on y viendra. Donc... l'épisode commence direct dans l'action. Ouais. Rappelez-vous que c'était dans cet épisode-là. Je vais mâcher le sens, ça me dit quelque chose. C'est dans cet épisode-là que Netflix a censuré justement quelque chose de queer puis que tout le monde est parti à Charlie avec raison. On là. En parlera. Ouais. J'ai la note, j'ai le passage, on y reviendra. Yep, me too. Donc, puis en fait, c'est pas la seule place, c'est juste que là, ça, c'est la place qui est obvious. Ouais. Il y a eu d'autres moments, je pense. J'en ai-tu parlé de la scène de terroriste? Oui. Du bulletin de nouvelles de terroriste? Oui, c'est... parce qu'il y avait eu quoi de terroriste, puis on a décidé de censurer ça, c'était ça? Ben, c'est que c'est vraiment dans le background. C'est l'épisode où est-ce que Ray est à l'hôpital... on entend la TV, puis c'est un bulletin de nouvelles, puis ça parle de terroristes. Puis, dans la version Netflix, le traducteur a choisi d'écrire que c'est des terroristes de gauche. Oui, c'est ça. Puis ça vient de nulle part. What c'est the comme hell? Ça... Alors que ce même traducteur-là a fait des traductions un peu douteuses, que les fans ont noté des traductions un peu douteuses durant la... dans la nouvelle version, puis le traducteur était comme « Non, c'est parce que c'est le mot original japonais. Moi, je fais pas aucun compromis. Je ne change rien. Je veux la pureté du sens japonais, même si les Américains, vous allez rien comprendre ou que c'est des mots un peu bizarres. Ou... » En tout cas. Mais il a fait au moins deux trucs marquants. Il a changé l'affaire de terroriste pour des terroristes de gauche. Ouais. Il a changé un suki en, qui veut dire love, en like. Ben, on y reviendra. Puis grace. Ouais, bon, en tout cas, on y reviendra. Ah, c'est ça. Donc, l'épisode commence. On voit Asuka enfant qui court vers sa maison et ça commence déjà. Ça te met l'ambiance tout de suite parce qu'elle est toute énervée et là, on découvre que. On découvre que elle a appris qu'elle était pilote, qu'elle allait être pilote la même journée que s'est suicidée, s'est pendue. Quand elle court, il y a comme plein de portes qui rouvrent, puis quand il y a eu l'épisode d'Asuka où est-ce qu'elle se faisait genre prendre son mental par un angel, comme dans ses souvenirs, il y avait tout le temps des portes qui ouvraient, puis je sais pas si on en avait parlé, mais j'avais comme remarqué qu'il y avait tout le temps des portes qui rouvraient, mais comme là j'ai catché pourquoi. Est traumatisée sur la porte qui rouvre, c'est parce que c'est elle qui a ouvert la porte puis qu'elle a trouvé sa mère, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est comme une image marquante qui revient tout le temps. Là. C'est une pensée obsédante, là, mais ça encore là, c'est quelque chose que je présume que le réalisateur Anno devait avoir parce qu'il y a beaucoup de personnages avec des trains de pensée obsédants. Mais bref, ouais, là on comprend pourquoi la porte, c'est un gros symbole. Là. Moi je trouve ça quand même assez particulier que ça l'a pas, tu sais. La journée qu'elle apprend qu'un pilote, sa mère meurt, c'est le genre de choses qui traumatise un enfant puis qui fait qu'elle voudra plus jamais être pilote. Mais, est-ce que ça l'a pas trop dérangé? Elle a dû bloquer ça dans sa tête, parce que, yo! Ben, elle a bloqué bien des shit dans sa tête, là. T'sais, elle a comme plein de mécanismes compensatoires, là. Mais ouais. Moi, ce que je me suis demandé aussi, c'est, ok, ça veut dire que sa mère se suicide la journée que Asuka est choisie pour devenir pilote. Est-ce une coïncidence? Ouais, c'est weird, ça aussi. C'est comme... Puis là, j'ai essayé de me rappeler. La mère était... Son père avait quitté pour aller avec l'infirmière ou la madame docteur. Il l'avait Oh, right, oui. En tout cas, il avait... Sa femme était encore l'hôpital. En vie, ouais. Le gars, le monsieur, son père, était déjà en train de cruiser la docteur. C'est vrai. Fait que, comme... Pis t'sais... Fait que... Pis Asuka, elle parle... Dans cette scène-ci, Asuka, elle parle que... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Je serai plus triste. Je promets que je serai plus triste. Je promets que je serai plus seule, même depuis que papa est parti. Oh. » Fait que ça veut dire que son père était parti, pis il a laissé sa fille avec la mère qui était comme... Qui est folle, là, ouais. Qui est pas là, là. Ouais. Wow. Hey boy, ok. Puis là, sa fille se fait choisir, puis là la mère serait, je sais pas. C'est louche, parce qu'en plus, on sait que comme la sélection des... Encore là, c'est des affaires qui sont soulevées dans cet épisode-là, que c'est des affaires qu'on nous a appris avant, puis que là, dans cet épisode-là, ça fait plus de sens. On sait que les pilotes, c'est genre un hoax, là, comme... Qui a été choisi pour être pilote, tu sais, c'était tous les enfants, ils avaient comme tous mis ensemble dans une... Tu sais, c'est comme si c'était une nerve qui choisissait les enfants, et non, genre, les enfants sont nés avec un don, là, tu sais, un peu, mais pas tant. Moi, je pense que c'est un mix des deux. Ils ont rassemblé tous les enfants qui avaient cette partie qui était capable de piloter, puis là, ils les ont mis dans la même école. Ouais. Mais tu sais, comme là, il arrive un nouveau pilote, là. C'est qui a décidé de le mettre là? Ben, c'est le Marduk Institute. Il était pas à l'école? Ouais, mais ça existe pas, non. Le Marduk Institute, c'était un front. The Nerve, puis The Silly. Ben là, dans ce cas-ci, c'est Silly au bout, on va le voir. Oui, c'est ça. Mais c'est juste bizarre, là, tu sais, parce qu'il y a eu toute l'espèce de complot autour de « Ah, tous les enfants avec les capacités sont dans la même école. » Puis là, c'est juste « Non, on pop un doute de nulle part, là. » Ben, ils sont pas tous dans la même école, parce qu'Asuka était pas là. Ouais. J'imagine qu'il y a des écoles similaires dans d'autres pays. Mais c'est Nerve en Allemagne qui l'ont trouvé, elle, là. Ouais. Est-ce que là, c'est Nerve au Japon? Tu sais, Kaworu, il y a un nom japonais, là, tu sais. Mais bon, en tout cas, c'est pas un enfant, anyway. c'est juste weird. J'aime pas ça quand on te montre des affaires canon comme ça, puis qu'on met vraiment comme l'emphase dessus, puis qu'après ça, c'est juste comme jeté aux poubelles. Quand tu peux. Fait que, après ça, on a une scène vraiment courte à l'appartement où ce que Asuka, comme, pitch un pot de café à terre. Puis elle accuse Shinji d'inventer des histoires, mais ce que Shinji est en train de dire, c'est non, Mr. Kaji is gone. Mm. Puis là, elle est vraiment pas... Elle a l'air toute défaite, elle est toute écouettée. Oui, c'est ça, j'ai noté aussi. C'est ça, d'habitude, Asuka n'est pas toute écouettée de même, là. Tout le temps bien arrangée. Ouais. Là, tu sais, elle était comme en camisole. On dirait qu'elle a vieilli, genre. Yeah. Cocotte. Puis là, ce qu'on comprend, c'est avec la scène suivante, puis l'autre après. Ah, ça m'a pris un petit moment à me cacher qu'est-ce qui s'était passé là, pour vrai. Comme le switch de scène est vraiment rapide, puis t'es comme, et où? C'est ça. Moi aussi, je pense que c'est la première fois que j'ai compris qu'est-ce qu'elle est. C'est que, donc dans la scène suivante, on la voit dans un bain, dans une maison toute pétée avec des vitres cassées partout. Elle est, il y a pas de toit, elle est dehors, mais elle est dans une maison, dans une salle de bain, dans le bain. Mais il y a plus de plafond, dans le fond, le toit a lâché, là. Ouais, on voit la douche toute pétée. Le bain, il y a du sang dans le fond, mais il y a pas d'eau. Il y a du sang dans le fond. Ouais, il y a du sang dans le fond, le bain. T'as pas vu le fond du bain tout rouge? C'est débattable. Apparemment, ils ont changé la couleur puis la texture pour montrer que ça serait pas du sang, ça serait de la rouille. Est-ce qu'il voulait pas qu'on pense que Asuka s'est ouvert les veines ou quelque chose de même? Elle est à l'hôpital après. Ça, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait? Ouais. Je pense que qu'à ce moment-là, on veut nous montrer une espèce d'ambiguïté, mais okay. Je pense qu'elle a pas l'énergie de poser le geste. Par contre, elle a plié son linge sur une chaise comme on voit souvent dans ces situations-là. Là. Fait que je pense que c'est clairement suggéré, mais. Alors, je trouve ça super évident, surtout qu'après, t'es à l'hôpital, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'il l'aurait mis sur un lit d'hôpital si elle s'était pas blessée, là? Ben, elle est toute mince, là. Elle a pas mangé depuis plusieurs jours, elle doit être déshydratée. Ça serait assez, là. Oh my god, okay. Vous avez remarqué tellement plus d'affaires que moi. Ben, parce que le fond, là, ça aurait pu être la roue, c'est là. C'est donc bien intense, c'est 15 fois plus intense que je pense. Le fond de la baignoire, il est tout rouge, puis je veux dire, l'appartement, il a été bombardé, genre, deux jours avant, là, la baignoire est pas rouillée, là. Yeah, c'est pas l'apocalypse qui a eu lieu là 5 ans. Genre, en tout cas, je trouvais ça louche que le fond. C'est vrai que ça a l'air d'être de la rouille, par exemple. C'est vrai que c'est pas évident. Puis c'est. Tu sais, qui sauve les veines dans un bain avec pas d'eau? Mais encore là, je pensais que c'était un peu le but de faire comme c'est une tentative de suicide ratée parce qu'elle a pas fait couler de l'eau puis elle savait pas, là. Je pense qu'elle était comme plusieurs jours de. Ça leur a pris une semaine. Ben, ça leur a pris une semaine avant de la trouver. Et pas nécessairement dans la dernière maison qui a explosé. C'est vrai. Ça, on le sait pas, mais je me souviens pas où j'ai lu ça, mais j'avais lu que la scène, elle a été un petit peu changée pour un petit peu moins suggérer le sang. Mm. Je pense que la réalité, c'est qu'elle a pas posé de geste, mais on veut nous suggérer que... Malgré, je dis que c'est trash, comme... Le restant de la série est fucking trash aussi, fait que je suis comme... On dirait que ça m'aurait pas surpris, genre. Comme, tout est si trash. Mais je pense qu'elle est pas réellement blessée. Ah, peut-être pas. Ça fait pas une grosse différence, puis ça joue avec l'ambiguïté du reste de la série aussi, là. J'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, on verra dans les autres épisodes, là, mais j'ai l'impression qu'à ce que c'est fini, on la verra plus, là. Je pense que c'est sa dernière scène à elle, là. Le reste, c'est pas vraiment elle. Ben, les deux prochains épisodes sont assez rock'n'roll. Puis là, si tu prends la fin alternative dans le film, on va la revoir. Ouais, bon, le film, mais pour la série, c'est pas mal fini, là. Ben, on va la revoir quand même. Le reste, c'est dans la tête à Shinji, essentiellement. Ouais, c'est soit ça. Des flashbacks, soit des créations. Yeah, yeah, yeah. On va essayer de pas trop en dire, là, quand même. Oh my god. OK. C'est 10 fois pire que je pensais. Moi, j'avais toujours trouvé que cette scène-là était vraiment triste. Comme, elle fait vraiment pitié. Mais, tu sais, c'est là que j'avais compris, genre, oh, tu sais, moi, j'ai écouté ça, j'étais au cégep, là, tu sais, la dépression, je savais pas vraiment ce que c'était. Puis là, je regardais ça, puis je suis comme, oh, OK, c'est ça. C'est être vraiment pas bien, comme être amorphe, plus d'énergie, pas capable de bouger, puis être... Mais je veux pas dire triste, parce qu'elle est pas juste triste, ouais, là, obviously. Elle est triste, là. Être comme plus... Comment... Ben, déprimée, là. Ah, puis c'est vrai, je pense à ça... Elle peut pas être chez son ami aussi, parce qu'on nous apprend plus tard que tout le monde est évacué, là. Ouais, non, c'est ça. Ce que je pense, c'est que... Moi, la continuité que je vois, c'est que, bon, il y a la scène avec Shinji qui lance le pot de café, puis après ça, elle serait comme partie en fugue, puis elle serait allée se réfugier dans une maison pétée. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup, beaucoup de plans de ruines dans cet épisode-là. Ouais. On en a vu un peu avant, mais il y en a beaucoup dans celui-là. Puis avant, j'avais jamais vraiment compris. C'est comme, pourquoi qu'on voit plein de poteaux de téléphones pliés, puis de l'eau partout? C'est quoi? Puis là, j'ai compris, c'est comme, non, mais ça, c'est les ruines des combats des derniers épisodes. Ben, c'est ça, c'est que le Japon, on commence à en rester de moins en moins, j'ai l'impression que c'est ça aussi, là. C'est ça. T'as prêt à tout péter, là. Fait que là, Asuka s'est réfugiée dans une de ses maisons en ruine, puis elle est allée dans un bain, puis elle s'est couchée là. Depuis, on sait pas combien de temps. Après ça, il se demande, genre, pourquoi ça a pris une semaine de la retrouver. D'après moi, et ça fait un bout qu'ils l'ont trouvée, mais ils prenaient leur temps. Ah, tu penses? Ouais, ça c'est... Parce qu'ils ont mentionné à la fin du dernier épisode qu'ils slackaient la sécurité sur les kids. Ouais. Non, il disait qu'il maintenait... Il disait, laissez-les faire, mais surveillez. Ouais, OK. Mais pourtant, Ritsuko, elle appelle Shinji pour dire, genre, yo, là, t'es pas watché, viens-t'en. Ouais, je pense que là, c'est à ce moment-là, c'est Ritsuko qui s'est arrangé pour qu'il soit watché. Peut-être. Possiblement, il était surveillé en double par quelqu'un que Ritsuko, elle sait pas aussi, là. Peut-être. Ouais, on sait pas. L'idée, c'est que je pense qu'ils se sont servis de la fugue. Ils voulaient peut-être qu'il y ait un événement qui arrive, quelque chose de même, puis là, pour pouvoir déclarer « Ah, mais il n'y a pas de pilote, fait qu'il faut qu'on en mette un autre. » Fait que s'ils l'ont retrouvé bien vite, ils ont attendu genre une semaine ou 5 jours au complet. Pour faire exprès. Ah non, pour envoyer quelqu'un. C'est tellement ça. Oh my god. C'est sûr que c'est ça. Ils n'ont pas forcément tout planifié, mais ça leur a beaucoup servi qu'à fugue. Ils essayent pas mal de planifier, mettons. Puis c'est de la merde parce que, comme, elle avait besoin d'aide. Ah, mais ça leur importe peu, là. Hey. Les personnes n'ont pas de respect tellement pour ça, là. T'imagines-tu? Ça veut dire que la personne qui la surveillait de loin, comme, j'imagine qu'il l'a vu faire. Puis c'est comme, ouais, ben, t'es en train de... T'es en train de faire ça, là. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Oh, on observe? Alright, on observe. Yo, wesh! Le pire, c'est que, tu sais, Célé, c'est un peu une organisation religieuse. Fait que forcément, ils veulent comme sauver le monde à leur façon. À leur façon, hein? C'est ça. Fait que pour eux, comme sauver le monde, c'est pas... c'est pas sauver le monde, comme on voit ça. C'est sauver le monde, c'est pas sauver les gens. C'est le grand projet, c'est pas les personnes. Ah oh ouais, non, ils voient bien trop, ils voient pas mal plus loin que ça. Bref. Bon, fait que là, on a parlé de plusieurs des trucs. Ah, puis en plus, justement, comme c'est ça, la scène d'après, c'est Misato, que, là, ça leur a pris 7 jours à trouver Asuka, puis Misato qui remarque que le cinquième pilote arrive aujourd'hui, c'est donc bien convenient. C'est ça, ça m'a... Ouais, c'est ça vrai. A comme cloué le dernier clou dans cette idée-là. Yep. Je savais pas comment dire d'autre. Ensuite, j'ai... Il y a genre Shinji qui pense à Rui puis à sa mère, puis j'ai juste écrit ça. Ouais. Je sais pas pourquoi qu'il fait immédiatement le lien, parce que comme... C'était pas... Est-ce que... Ouais, moi aussi, je trouve ça pas clair, parce que oui, mais sans quand il est allé à Terminal Dogma avec Ritsuko, ouais, c'était pas tant clair. Et il a pas dit genre, Ray, c'est ta mère. Non, pis c'est pas le cas non plus, sa mère est dans Eva 1. Ouais, sa mère est un peu partout, on dirait. Ouais, je trouve ça super fourrant aussi. Peut-être parce que Ray, c'est une création de son père. Qui c'est que son père essayait de recréer sa mère? Il fait tout ce lien. Je sais pas catcher comment il a fait ce lien-là pour eux. J'ai l'impression qu'il. Ouais, j'ai l'impression qu'il skippe des étapes un peu. Comme dans le storytelling, là. On est comme rendu à ce moment-là, genre. On est comme rendu au moment où est-ce qu'il skippe un petit peu, là. Ouais, l'épisode de mon. La fin d'Evangelion de cet épisode-là en particulier, c'est rushé. Hein? Ouais, c'est ça qui fait que moi je l'aime pas trop. C'est comme il aurait dû avoir un épisode de plus. Le arc de Kaworu aurait pu durer genre des épisodes là. T'sais, ouais. Être un animateur qui veut genre, je sais pas là, mais mettons le Naruto là, ils prennent un arc de même puis ils font 3 saisons avec là. Je sais. Mais je pense que Evangelion était prévu pour avoir juste 2 saisons. Ouais, le nombre d'épisodes était... Fait que lui, il était comme, ben là, j'ai toutes ces choses-là à dire, puis la fin est l'épisode, fait que let's do this. Il a juste rushé, là. Puis comme, tu sais, les deux... On peut s'imaginer, on peut se dire, tu sais, avec le recul, on peut se dire genre, ah, mais les deux derniers épisodes, il se passe rien, il aurait pu toutes les combiner en un. Oui, mais comme faut se rappeler le contexte, là, ces deux épisodes-là, c'est ce qui a été remonté après que les deux vrais derniers épisodes aient été censurés, puis coupés, puis enlevés. Au complet? Pis, ouais, puis c'est pour ça, c'est ça qui donne le film. Oh. Parce que là, mais ils ont. Le 25-26 était pas mal fait, puis ils ont tout scrappé. Ah ouais. Ouais. Puis là, ils ont rushé pour refaire 2 nouveaux épisodes. Si t'écoutes le ou les films, puis tu vois qu'est-ce qui se passe avec Asuka, tu comprends pourquoi ils voulaient pas mettre ça à la télé, finalement. Mm. Yeah. Ensuite, on a la prison de Nerve avec leur immense logo géant. C'est ça qui m'a dit que c'était la prison, hein? Parce que sinon, c'est pas clair, là. Ben, on entend la porte, ça a l'air d'une grosse porte de métal. Non, elle aurait pu être d'un bureau. Genre, je sais pas, ça m'a pris un petit moment à catcher que c'était la prison, pour vrai. Ben, ça ressemble à... C'est les mêmes ambiances sonores que quand Shinji est en prison. Ben, ou Misato est en prison. Mm. Fait, je sais pas, moi je la reconnais comme ça, mais... Mais j'ai fini par la reconnaître, mais ça m'a pris un petit moment. Et là, on voit bien le logo de Nerve avec leur tagline. Ah shit, c'est quoi donc? C'est « God's in his heaven, all's right with the world ». Oh, shit. Quand Dieu est dans les ciels, tout va bien dans le monde. Mm-hmm. Puis comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme, on laisse Dieu, puis on s'arrange nous-mêmes. Puis comme, on fait toute la marde, mais comme, tout va bien. Non, everything is fine. Il nous laisse faire. On a sa permission. Fait qu'il y a Ritsuko. Qui elle pense à son minou. Qui est pas mal déprimée, elle aussi. Elle est toute voûtée. Mm-hmm. Ça y ressemble pas pantoute. Elle est affalée sur sa chaise. C'est ça, ouais. Puis le Gendo qui est comme... Avec le niveau d'empathie qu'on lui connaît, c'est-à-dire aucun. Je lui demande pourquoi qu'elle a détruit le dummy system. Puis elle est comme genre, oui, mais mon chat... Puis elle dit, j'ai détruit ça, mais... J'ai détruit Ray. Puis comme... Ben, c'est ça, dans le fond, Gendo, il est comme, pourquoi t'as détruit le demi-système? Puis il est comme, j'ai pas détruit le demi-système, moi je voulais juste détruire Ray, c'est ça que j'ai fait. Puis Gendo, il est comme, je vais répéter ma question à nouveau, pourquoi t'as détruit le demi-système? Puis elle a fait juste breakdown, puis ça comme ça l'enfonce vraiment le clou qui avait été starté au dernier épisode, que dans le fond, elle avait une idylle avec Gendo. Puis que apparemment que ça ferait comme un moment que Gendo couche plus avec, puis qu'il l'a abandonné, I guess. Mm-hmm. Parce que là, on apprend à ça. Ouais. C'est ça, c'est comme... J'écris, ça feel comme si elle était en peine d'amour. Ouais. Puis là, j'ai fait, ah ben, I guess que c'est exactement ça. Puis tu sais, elle pense à son chat, puis elle est comme... Genre, au lieu d'avoir passé plein de temps à, genre, essayer d'être super carriériste et essayer de plaire à Gendo, j'aurais pu, genre, passer plus de temps avec mon chat, tu sais. Pis ça... À vivre un peu plus. Oui, c'est ça, à vivre sa vie, là. On a une belle critique de des parents qui sont un peu trop carriéristes, justement. Ça fait plusieurs fois là, qu'on en voit des parents qui sacrifient un peu trop pour travailler chez Nerve. Puis qui abandonnent un peu leur enfant. On l'a vu, t'sais, sa mère, la mère à Ritsuko, la mère à Asuka. Ces deux-là, ça compte comme pas, c'est parce qu'ils sont tombés sous le charme de Gendo. Et comme, mais quel charme! Mais qu'est-ce où ça? Leur a donné? Qu'est-ce qu'il leur a promis, surtout, j'imagine? Là, il est comme Dracula, genre, nous, on le voit pas beau. Ouais. Mais les personnages, oui. Oh my god, ouais, je dis ça, puis comme, j'écoutais hier un podcast sur le tueur en série Ted Bundy, où est-ce que tout le monde dit, genre, comme, tu le vois à cette heure, tu comprends pas. Mais genre, je sais pas si t'avais déjà entendu parler, c'est un tueur en série américain qui, genre, séduit un paquet de femmes, puis qu'ils ont toutes tuées, là. Puis comme, ses victimes étaient tout le temps comme, mais il était tellement charmant, puis enjôleur, puis tout le monde le suivait, puis... Pis tu sais, c'était comme vraiment un bon parleur, là, comme toute sa vie, genre, échappé à la police juste en étant comme fin pis en disant des menteries, là. Pis tout le monde est comme, on comprend pas, là, on voit les photos à cette heure pis il y a de l'air de rien, tu sais, mais... Ouais. C'est le charisme, le magnétisme, des fois, c'est vrai que c'est dur à traduire, là. C'est comme ça que je l'ai analysé. Ouais. Ouais, ouais. Mais aussi, comme, encore plus, genre... Tu sais, je trouve ça fucky que, genre... Ta mère passe sa vie à courir après quelqu'un, plus tu fais pareil. Ouais. Il semble que je courirais pas après la même personne que ma mère. C'est un peu particulier. Ça, c'est bizarre. Ouais. Ça a pas l'air d'avoir de sens, mais en même temps, on refait les affaires que nos parents ont faites, des fois. Ouais, pis c'est ça, je me demande si c'est une analyse freudienne aussi, là. Parce que, tu sais, comme Anno, il lisait beaucoup de la psychanalyse, pis Freud, ce qui est beaucoup critiqué dessus maintenant, c'est tout son sexisme pis toutes ses shit de genre. Les petits gars veulent toutes coucher avec leur maman! Pis l'inverse, là. Pis en tout cas, tu sais, c'est. Fait que je trouve que c'est très freudien, là. Pis c'est drôle que tu parles de mère parce que, comme, tu sais, autant Shinji parlait de sa mère pis de Ray juste avant, là. Ritsuko parle de sa mère encore. Elle dit, genre, elle est découragée, puis elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Ah, puis oui. Puis elle dit, oh, maman. What do I do now, mother? Ouais. Ça, je trouvais ça tellement triste. Yeah. Puis, il faut qu'elle répond pas à la question de Gendo, puis Gendo, il dit rien, puis il décalise. Yeah. Ça, c'est juste classique Gendo, là. Genre, tu sais, oui, il l'a utilisé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ils ont quand même une rétorque, tu sais, qu'elle l'accuse d'avoir arrêté d'utiliser ses talents slash son corps. C'est vrai, comme, c'est son elle était prête corps, à tout faire pour lui, puis lui, il a juste comme... Yeah. Ouais, il l'a utilisé jusqu'à ce qu'elle ne serve plus. C'est Gendo. Fait qu'ensuite, on a une scène courte de Shinji devant Unit 2, donc celui de Asuka. C'est drôle, les personnages ont beaucoup d'introspection devant les Eva. Ouais. Alors là, ils se demandent où est Asuka, puis surtout, intérieurement, ils se demandent qu'est-ce qu'il dirait s'il la voyait. Mm-hmm. Ah, mais il l'a pas dehors, cette scène-là? Dehors? Il est pas genre dehors, devant une rive complètement détruite, parce que c'est là que Kaworu y arrive. Non, ça c'est après. Ah, ok, excusez. On a... Je pense que j'ai juste pas marqué celle-là. Ça dure vraiment... Tu sais, il dit deux phrases, là. Ok, ok. Il se demande où Asuka, puis tout de suite après, là, il est devant un lac, puis on voit les maisons inondées, donc tout ce que je parlais tantôt, toute l'imagerie, des vraiment belles images, des vraiment beaux plans, mais de ruines, essentiellement, d'inondations, puis de tout ça. Moi, j'avais une question sur cet endroit-là. Quoi? Parce que c'est à côté de Nerf, puisqu'il peut juste comme sortir, puis y aller, puis chiller. Je me demandais, mm-hmm. c'est-tu le jardin de melon à Kaji qui a été détruit, genre? Oh, peut-être. Parce qu'on l'a jamais revu, le monde du jardin de melon. Ouais, non, on mais on pas. Sait que c'est juste à côté de Nerf, parce qu'ils peuvent juste comme sortir puis aller chiller là. C'est vraiment juste à côté. Fait que je me demandais si c'était dessus comme. C'est le jardin de melon. Je sais pas si c'est si proche que ça, parce que Shinji, quand il avait parti en courant du jardin pour aller chez Nerf, il a couru un bon bout, là. Ouais, mais la fois que Kaji a fait, hey, ça te tente-tu de prendre un thé? Sans sortie? Tu sais, je sais pas. Bon, on sait pas. Il y a peut-être eu une ellipse. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense pas que c'était. Je pense pas que c'était cet endroit-là. Je pense que c'est juste un lac. Un des lacs qui sont apparus récemment. Oui, c'est ça. C'était pas là avant, clairement, parce qu'on l'a jamais c'est vu. C'est l'un des nombreux lacs Ashinoko. Oui. Je pense qu'il s'appelle. Ashinoko d'Ashubit. Genre. C'est là qu'il mentionne. Excuse, oui. Non, ben, on voit un flashback. Comme il y a du PTSD, il y a du. Comme, des images qui le hantent, là, toutes les têtes coupées de les têtes décapitées de Raid de l'épisode précédent, il en revoit, on la revoit pendant un dixième de seconde. Là. C'est lui qui dit que tout le monde est parti, là, il est vraiment tout seul. Là. Tous ses amis de l'école sont tous partis, ils ont tous évacué. Il reste juste plus personne à part Neuve. Là. Mm-hmm. Fait qu'il se sent un peu tout seul. Puis sur ce sujet-là de... C'est bon, il comme lui aussi déprimé, comme puis se sentir seul. Moi, je me souviens qu'à l'époque, comme mes amis qui écoutaient ça, puis même moi aussi, on le trouvait. Shinji, on était comme ah, il est fatigant. Shinji, il est emo. Il arrête pas de se plaindre. Il est comme il est comme Harry Potter dans le cinquième livre, là, que celui que le monde aime pas parce que c'est celui que c'est Harry Potter qui fait sa crise d'adolescence mm-hmm. puis qui arrête pas d'être emo puis tout ça. C'est comme je dis ça parce que c'est les mots qu'on utilisait à l'époque. Mm-hmm. Puis je suis comme... Là, je réécoute la série avec mes yeux d'adulte. Puis je suis comme... Mon opinion a tellement changé. Wow, déjà... on était sensible à cet âge-là. On était genre... le monde. Ben, je l'étais déjà plus que mes amis. Je me souviens que mes amis, t'es les critiques d'Harry Potter puis les critiques de Shinji, les gens étaient comme... Ah, oh, il est pas écoutable parce que Shinji est tellement emo tout le temps. J'étais comme, non, il est quand même pas si pire, puis comme, ben, il a le droit d'être... Il a le droit d'avoir des émotions, tu sais. Puis là, je le regarde aujourd'hui, puis je suis comme... T'essaieras pis, d'avoir son père. J'ai tellement plus de compassion. Tu sais, les médias, ils nous montrent tout le temps des héros, tout le temps, ah, ils sont sûrs, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, ils savent comment sortir... Ils apprennent à sortir de leurs problèmes tout le temps. Parce que, genre, on n'aime pas ça. Des héros déprimés, là, on n'aime pas ça. Ça. Ils peuvent avoir une bonne peine en autant qu'ils nous montrent comment ils s'en relèvent bien. Oui, oui. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant des Evangelion, c'est que ça ne nous le montre pas. C'est pas élégant. Puis quand ça nous le montre dans les derniers épisodes, c'est pas beau. C'est pas le fun. C'est pas le climax qu'on s'attendrait. C'est pas le héros qui triomphe, qui se relève et qui va décapiter son père. Je sais pas. We wish. Spoiler, ça arrivera pas. Et ouais. Prêt. Alors, à la place, on a Kao qui chante. Ouais, ben là, comme Shinji vient de parler de solitude dans sa tête et qui sait qu'il apparaît-tu pas? J'aime ça quand tu fais des clashs de même, genre, dans la réalisation, là. Comme, toutes mes amies sont parties, je me sens donc bien seule. En plus, ils chantent comme... C'est quoi, cette tune-là? L'hymne à la joie. C'est ça. L'hymne à la joie qui, on le sait, va être... revient plus tard dans l'épisode. Ouais, ouais, dans pas tant long! Non, pas tant long! Kaworu sur sa statue favorite. C'est-tu tout à la même à chaque fois? Ouais. Aussi, j'ai checké. Aussi, elle me buguait la statue, puis j'ai checké tout le temps, c'est la même. C'est quoi cette statue-là? Une statue normale, mais elle a fondu. Je sais pas, mais je trouve que ça ressemble à un Shinigami. C'est quoi ça? Tu sais, les dieux de la mort qui sont représentés dans certains mangas, là, mais comme le plus connu, c'est celui qu'il y a dans Death Note, là, parce que c'est genre, c'est comme un personnage. Mais c'est comme des anges de la mort dans la mythologie japonaise, genre, qui viennent comme chercher les âmes sur Terre. Puis ils ont l'air à la fois monstrueux, mais ils ont des ailes. C'est comme pas clair. Puis ça, on dirait que c'est comme un personnage. C'est ça, c'est que la statue, elle a comme des ailes, mais sa tête est comme voûtée, puis penchée, puis un peu bossue. Bref, ça me fait penser à un Shinigami. Fait que, est-ce que ça serait un symbole? Hein? Il a l'air vaguement peut-être d'un Neva, là. Ouais. Mais ça serait-tu un symbole que Kaworu, c'est l'ange de la mort, genre? Je sais pas. Non, ça pourrait. C'est pas vraiment, je trouve. J'ai pas vu d'analyse poussée de ce plan-là en particulier. Ça m'a un peu surpris. Non, ouais. Quand j'ai remarqué à quel point il était spécial. Ouais, non, c'est weird, là. C'est weird comme... Mais peut-être que c'est une statue décapitée aussi, puis que c'est moi qui read too much into it, là. Ouais, c'est... séquence d'imagerie cool, hein, ouais. Pour l'effet. Mais c'est parce qu'elle revient aussi, c'est ça. Mais c'est ce qui... Ils se jugent tout le temps au même spot, là. Yeah. Et donc, parce que la série a vraiment pas... pour construire une relation entre deux personnages, il fait des avances immédiatement. Ouais, ça se construit en accéléré. Et donc, la première chose qu'il dit, c'est qu'il complimente Shinji. Ça marche. On a passé genre quoi, 10 épisodes à dire que Shinji roulait au compliment? Et... Ah ben, j'avoue que c'est la chose à dire. Ils font un échange de prénoms, ce qui, je pense, est comme culturellement comme important. Mais c'est rapide. De genre pas connaître quelqu'un plus que ça, puis qui te permet tout de suite de l'appeler par son prénom. C'est genre, wouh! On est déjà rendu là. Ouais. Fait que c'est pour ben, ça que Shinji rougit, là. Je pense que c'est pour... Ouais, ouais. C'est comme dans un vieux film. Il connaît déjà, là, par exemple. Ouais. Il a déjà entendu son nom. Ouais, puis il est comme, mais non, mais t'es connu, là, tu sais, t'es le pilote, là. Ou tes exploits sont reconnus, ouais, je suis sûr qu'il twiste ça comme un compliment, genre. Il dit, j'avais noté, tu es plus important que tu penses. Ah, oui, c'est ça. Puis ça marche avec Shinji, parce que tout ce qu'il valorise, ça le touche vraiment beaucoup, là. Mais il est quand même gêné à... parce que... Mais je pense que c'est pas le même gêné à... que Shinji est d'habitude. Là, j'ai l'impression que il est comme juste pas habitué qu'un gars soit souriant et gentil. Mm-hmm. Ouais, c'est pas fou. Puis je pense que c'est ça qui peut un peu expliquer la relation qui se passe ensuite. C'est que justement, c'est qui a dans la vie à Shinji, là? Il n'y a pas eu de père, il y avait son prof qui prenait son... Ah, mais ça, il en parle de sa relation avec le prof aussi, puis ça avait de l'air platonique. Ça avait de l'air plate. Ah oui, ça avait de l'air ultra platonique. Son père n'était pas là. Tous ses amis à l'école, c'est des nerds qui courent après les filles, qui n'ont pas de classe, qui sont pas comme émotionnellement proches, sont un peu comme virils, machos. Mm-hmm. Qui d'autre qui a comme... Kaji. C'est un trou de cul qui a une fraction de rédemption à la fin, comme quand il se met à philosopher, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Je pense que Shinji est juste comme un gars qui est gentil puis souriant. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qui a une sensibilité, là. Ouais. Fait que, comme immédiatement, Kaoru il réussit à comme. Clic! Mm. Mais ça a l'air tout calculé. Ben, surtout quand tu le sais après, mais au début, c'est comme... Hein? OK. Bon, au début, c'est juste à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas encore vu Celie, right? Non. Parce que Celie, ils disent, on va envoyer notre dernière carte. Non, c'est après. C'est plus tard, c'est ça. Ouais. Je pense que Kaworu est sincère du début à la fin. Je pense qu'il agit pour lui-même. Ouais. Je pense que oui aussi, là. Je pense qu'il s'en, s'en fiche un petit peu. Tu sais, en plus, le conseil, ben, on va le voir tantôt, mais en tout cas, quand il parle au conseil, le conseil déconnecte l'espèce de conversation Skype bizarre. Puis il dit, ben, ça tombait bien, c'est ça que j'allais faire anyway. Tu sais, comme. Il est pas vraiment en train de suivre leurs ordres. Il est juste en train de faire ce qu'il veut. Puis ça donne qu'eux autres sont comme. oh, on te manipule, tu es notre marionnette. Mais genre, non, non. Hmm. Ouais, non, je suis d'accord. Fait que, donc, pour nous présenter ce personnage-là de manière indirecte, on a une scène avec Misato et le technicien à lunettes qui sont dans la... Je sais pas son nom. Non, le technicien à lunettes. Ouais, ça, j'ai marqué son aide partout Yuga. Dedans. Comment? Yuga. Yuga. Yes. Donc, ils sont dans l'ascenseur de voiture. Et puis... C'est là qu'ils sont... Ouais. Ils sont dans son char, mais c'est parce que son char est dans l'ascenseur. Qui descend son char en bas. C'est l'escarlator. Oh! L'escarlator, exactement. C'est clairement ça. Et ils nous donnent des informations sur Kaoru. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune information sur Kaoru. Mais oui, c'est ça, à ce moment-là, je me suis dit, genre, pourquoi Kaoru, il était pas dans leur classe? Comme il sait qu'il sort, lui. Il, ouais. Il sort de nulle part. Ben là, c'est ça. On commence à... D'où est-ce qu'il sort, lui? Fait qu'on a sa date de naissance qui est la même date que le Second Impact. Ouais, et on apprend... Fait que date de naissance, là, c'est quand tu mets 01001, on dirait, là, en tout cas. Tu penses? Ben, moi, je serais pas surpris qu'il soit né cette journée-là. Ben peut-être, là. J'imagine qu'ils sont tous nés dans ces environs-là, anyway, là. Mais c'est louche. Non, oui, non, t'as raison. C'est sûrement ça, parce qu'avec ce qu'on apprend après, c'est sûrement ça. Ben, il y a vraiment une connexion très particulière avec... On sait que tous les pilotes sont tous nés dans... Ouais, c'est ça. Non, t'as raison. Fait qu'ils ont toutes une relation assez particulière avec le Second Impact. Si ça se trouve, ils sont tous nés dans le même mois, genre. Peut-être. Puis c'est... Moi, j'ai toujours assumé que c'est pour ça qui sont les seuls à pouvoir piloter. C'est les enfants de 14 ans, c'est parce que des enfants de 15 ou de 13 ans, ils sont pas nés autour du Second Impact. Ouais, qu'est-ce qui a fait? Il y a eu une wave de poussière surnaturelle qui est tombée sur eux autres. Il n'y a comme aucune explication pour ça, ce gars-là. Ben, moi, ça fait pas de sens, mais c'est la seule explication logique que je suis capable de m'imaginer. Ah oh, ouais. C'est juste que ça m'achale parce qu'il l'explique pas. Puis là, j'imagine qu'il est trop tard puis qu'on l'expliquera vraiment pas. Ouais. Et donc, on apprend qu'il est envoyé par le conseil de Silly / Murdoch. Murdoch Institute. Ah ouais, on apprend ça là? Ben, c'est mentionné, j'ai peut-être mal pris en note. En tout cas. Mais il soupçonne que c'est pour foutre la marde. Ouais. Et il mentionne aussi qu'il sait où est Ritsuko. Fait que ça veut dire que personne savait officiellement où était Ritsuko. Mais non, il crisse tout le temps du monde dans le cachot sans le dire aux autres, là. Ça, c'est Gendo en esti, là. Yeah. Tu sais qu'il a fallu qu'il hack les ordi pour trouver où Ritsuko, là. Et on niaise pas, là. Alors, c'est ça. C'est que... Yep. Pour que même Misato soit pas au courant. Uh-huh. Ouais, Misato, il la tient dans l'ombre. Pas à peu près... Fait que là, il y a un sync test pour nous apprendre que Kaoru est super bon, qu'il est capable meilleur que de... tout le monde. Il n'y a même pas besoin qu'on change le core pour se synchroniser, tout va puis bien. Puis pourtant, on nous a appris que personne d'autre pouvait piloter cette Eva-là. Mais non. Et ensuite, on a une scène dans l'escalier. Mais genre, Maya trouve ça louche, là. Oui, excuse. Ouais. Ray dans l'escalier. On entend qu'il y a une voix, là, parleur qui mentionne que Central Dogma est en lockdown. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est parce que tout a pété, parce qu'elle a tout pété dans l'épisode d'avant? Non, ça, c'est Terminal Dogma. Ritsu... Oh, shit. Ouais, ça, c'est lui qui est en bas de tout, là, c'est Terminal Dogma. Ok. Central Dogma, c'est cool d'abord. C'est pas le H, genre la salle de contrôle, ça? Ah. Je pensais que oui. Ben, j'étais dans les patates. Ok, ignorez ça. Je sais pas. Ray arrive, puis là, il y a Kaoru qui est là, puis... Elle a de l'air de reconnaître. Prêt. Ah! Pourtant, je trouvais qu'elle avait de l'air de pas savoir ce qu'il pantoute. Non, elle fait comme une face de « qu'est-ce que tu fais là? » Ben, en fait, ouais, ça se peut-tu que physiquement, ils se ressemblent quand même pas mal? Ils ont tous les deux yeux rouges, ils ont tous les deux les cheveux impossiblement pâles. Ouh! J'ai même pas remarqué ça. Ouais, je pense qu'elle reconnaît quelque chose dans lui, mais pas trop sûr, quoi. Non, elle sait pas, là, parce que lui, il fait comme genre « Hey, toi pis moi, on est la même bibitte, pis elle a l'air d'être comme De quoi tu parles? Ouais, parce qu'il dit qu'elle est construite comme lui. Ouais. Ah oui, c'est ça. Il dit, toi pis moi, comme si on avait choisi de se manifester dans un corps humain, hein? Pis yeah. Ray, genre, hein? What? Mais en fait, je me suis posé la question, est-ce que Ray, elle a l'air, est juste vraiment confuse ou elle bluffe? Je pense qu'elle est juste vraiment confuse parce que pas tant longtemps après, il me semble qu'on a une scène dans sa chambre où elle est comme genre, mais je suis quoi, moi? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, moi aussi, j'y ai pensé. Moi aussi, j'y ai pensé. J'ai l'impression qu'elle bluffe pas. J'ai l'impression qu'il y a comme... Je sais pas comment ça, mais Kaworu, il est comme au courant de qui est-ce qui est. Puis Ray, ben Gendo l'a juste maintenu dans l'ignorance tout le temps. Elle a aucune idée de qu'est-ce qu'elle est, là. J'ai l'impression que c'est ça. Genre, j'ai l'impression qu'elle est peut-être même pas au courant là, que genre elle est fabriquée de toutes pièces puis qu'elle est une conscience qui s'est manifestée comme par magie dans un corps qui est semi-alien. Comme ouais, non, j'ai l'impression qu'elle sait pas. Wow. Non, je pense pas qu'ils ont donné cette info-là non plus. Non, c'est ça. Fait que ça veut dire... Mais Garou, il est comme, you know, right? Nous ça, autres. Vu ce que Ritsuko nous a appris dans l'épisode précédent, que Ray est la seule personne qui ont réussi à mettre un âme dedans, fait que ça veut dire que Kaoru, ça serait comme une autre chose comme ça. Ouais, mais j'ai l'impression que Kaoru, il est comme apparu tout seul, il a pas été fabriqué. Ouais, peut-être. C'est pas clair. Mais avec tout comme, avec tout justement comme sa conscience de la situation... Ouais, je suis pas sûr que Kaworu ait été fabriqué de toutes pièces dans un labo, là. Parce que c'est un angel. Mais c'est le même principe. Donc, dans un cas, c'est une création alien, puis dans l'autre cas, c'est une création humaine. Genre. OK. Ouais, peut-être. C'est pas... Je vais plus guesser là-dessus, mais qu'on finisse l'épisode, là. Parce que dans la fin, ouais. Là, il y a du dialogue que lui dit que ça fait « Ouh! » Ah oui, il y a en balance, hein. Fait que après ça, on a une scène dans le bureau de Gendo où ce que Gendo et Puyutsuki parlent qu'ils savent rien sur Kaoru. On a une scène dans le bureau de Misato ou dans sa chambre où est-ce que Misato a dit qu'elle non plus a sait rien. Ben, remarque que Shinji est pas rentré à la maison, ce qui est vraiment comme pas tant son genre, là. Ouais, tout de suite après, ouais. Puis elle est toute seule avec Pen-Pen. Ah, oui. Pen-Pen. Mais c'est pas tout de suite qu'elle a la scène... Ouais, non, c'est ça. Fait que là, après ça, on a une scène de Shinji qui est quelque part, parce qu'il veut pas retourner chez eux. Il est juste dans Nerve. Genre, comme, j'ai l'impression qu'il a fait son sync test, pis il est dans Nerve, là, il est genre dans le corridor, pis il chill. Ouais. Parce qu'il peut pas comme confronter le fait de retourner à la maison. Fait qu'il sait pas où aller. Oh, man. Mais il sait pas où aller, slash, il attend que Kaoru finisse. Ah, peut-être. Ça, je trouvais que c'était pas... Mais tu sais, c'est encore le Shinji qui est comme, genre, j'aimerais ça, parler de mes feelings, parce que ça me ferait du bien, mais je veux pas vraiment m'imposer sur personne, fait que je suis confus. Puis Kaworu, il voit direct à travers tout ça, il est comme, ah ben, tu m'attendais. Shinji, genre, non, là! Et Kaworu, il est cheeky, là. Comme, ben, on pourrait y aller ensemble, dans la douche, je veux dire. Yeah, oh, mais dude. Avant, moi, une affaire quand même drôle, c'est que, tu sais, là, tantôt, je disais que Central Dogma, là, je viens de checker mes notes. Central Dogma était en lockdown, puis là, il sort, puis c'est écrit Central Dogma. Fait, il sort de Central Dogma. Oh. Qui est... C'est comme, il est déjà en train de fouiner. Ouais. Ah, oh, c'est intéressant, ça. Mais c'est... ouais, c'est vrai que c'est pas clair, mais j'avais l'impression que c'était directement après le sync test, parce que, comme Shinji est là, puis il a toujours pas pris sa douche, mettons, là. Mais ouais, combien de temps que ça fait que Shinji est là juste à, genre, pas vouloir confronter la vie? Who knows? Wow. Mais ouais, la douche ensemble, comme culturellement au Japon, c'est quoi qui se fait, right? Je pense que oui. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'était... public, c'était assez courant. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, c'est ce que j'ai lu. Ouais, ok, c'est bon. Parce que, dans le fond, Kaworu, il est comme, genre, comme... Tu sais, il remarque que Shinji est gêné, mais dans le fond, il devrait pas l'être. Mais comme il est plus gêné qu'il devrait, genre. Puis c'est là qu'il remarque comme, ah, oh, il doit avoir peur de l'intimité. Parce qu'il est juste beaucoup trop clairvoyant. Hein? On va à la douche, au bain, comme ça. Puis genre, c'est pas grave, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est, ouais, c'est Kaworu qui est juste comme fucking trop clairvoyant. Puis il se met à débuter plein de bullshit que je trouve qui était très quasi... Kaji-esque. Mais ça avait... C'était genre Kaji qui déblatère un paquet de bullshit sur l'existence, puis la solitude, puis le bonheur dans la vie. Le cachet est plus là, fait que c'est lui qui le fait, genre. Fait que là, ça expliquerait tout. Dans le fond, Rei, c'est comme le clone de la mère de Shinji, puis Kaworu, c'est comme le clone de Kaji. Holy shit. Blob, come on. Le clone very gay de Kaji. Moi, je pense que ça se peut qu'il ait été créé par une autre branche de Nerve ailleurs. Puis là, ben, la question, ça serait c'est le clone de qui, là? Ouais. Who knows? Ouais. Mais, tu vois, tu appelles ça de la bullshit, mais c'est quand même... Tu vois, c'est ce que je trouve que... C'est pas de la bullshit, là. Non. C'est ça. C'est juste qu'il y a tout le temps un moment dans un épisode que quelqu'un est comme... Oui, mais tu sais, la vie... Puis part! Mais alors, puis parce que dans nos vies de tous les jours, personne part de même. Non! C'est autant plausible que quelqu'un qui commence à chanter avec les animaux de la forêt, là. Ouais! C'est parce la version Évangélion de chanter avec les animaux de la forêt. Ben, quoi que lui, il est pas humain. Là. Ouais, lui, il chante l'hymne à la joie tout seul sur sa statue, fait que, t'sais. Ouais. Parce que quand même, ce qu'il dit, t'sais, il dit « Ah, oh, Shinji a peur des contacts humains, il a peur de l'intimité, donc s'isoler, c'est une manière d'éviter ça. Mm-hmm. » Le problème, c'est que s'isoler, ça vient avec un downside assez marqué, qui est la solitude. Ça, ben, c'est comme... pas mieux, puis là, les humains, ouais, ils veulent pas... De la... Je l'ai-tu noté? Il me semble que je l'avais noté. Ou c'est plus tard? Que Kaoru, il parle comme un extraterrestre. Les humains vivent avec une douleur constante dans le cœur, mais le cœur est sensible à la douleur, donc ça rend la vie difficile. Oui, c'est un petit peu après. Ouais, mais c'est ça, c'est comme... Tu vois, c'est ce que je trouve que le réalisateur manque un peu sa shot. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est super vrai, c'est super deep, c'est super intéressant. Ça mériterait qu'on fasse un épisode complet là-dessus, voire même une série complète là-dessus. Mais comme, amener de même en deux phrases, ça marche pas. Mm-hmm. Faut que tu nous le montres pour qu'on puisse le comprendre. Mais là, faut que tu fasses des flashbacks avec des exemples, quelque chose. Là. C'est l'équivalent, je pense, d'avoir comme un prof qui t'explique c'est quoi la solitude versus un témoignage, un TED Talk ou un roman qui est introspectif, que la personne écrit ses pensées ou un journal intime ou un blog où la personne va écrire comment qu'elle a vécu ça puis comment qu'elle s'en est sortie ou pas. T'sais, pour comme prendre ça puis comme le mettre concret là, dans le quotidien, c'est quoi? Puis dans le quotidien, c'est quoi? C'est ce que tous les personnages font, c'est ce que Asuka a fait, c'est ce que Shinji fait, c'est-à-dire comme attendre dans le corridor, comme parce comme il est tellement pogné dans sa tête qu'il loupe, qu'il est pas capable de je veux aller voir Kaoru, mais je veux pas, mais je veux aller chez nous, mais je veux pas, puis fait que je vais comme pogné dans le corridor, puis je m'assieds comme sur un banc random, puis je reste là pendant des heures. C'est le hedgehog paradox ou le hedgehog... Le hedgehog dilemma, c'est ça. Son cerveau, il est juste comme un shutdown. Mm-hmm. Puis comme... Tu sais, je vois exactement qu'est-ce que le réalisateur essaye de montrer. Comme il réussit pas à nous le montrer. Il faut vraiment... Tu sais, il faut faire comme nous. Il faut écouter la série trois fois, puis là, y aller scène par scène, puis là, décortiquer les morceaux... C'est dommage que... Mais je pense qu'il était pressé par le temps, là. Ah ouais, vraiment. Evangelion aurait dû avoir au moins 3 saisons. Genre. Ah. Bref, dans les choses qui n'ont pas censuré, Kaoru prend la main de Shinji en dessous de l'eau. Oh! Puis les lumières se ferment au même moment. Oh! Non. Je pense... Ouais, c'est pas mal au même moment, ça. Ah, tu le penses que c'est au même moment? Parce que moi, je pense que... Tu sais... Shinji, il sait pas comment dealer avec ça. Non, zéro. Mais il enlève pas sa main. Puis la caméra, comme, se promène. Fait que moi, je comprends qu'il y a comme une ellipse. Fait que comme, il reste là longtemps. Fait que, comme, il sait pas, mais il enlève pas sa main. Fait qu'il il trouve pas ça désagréable. Fait que, tu sais. Mais il a de l'air confus aussi, là. Il a de l'air confus, mais il. Ah, mais c'est vrai, c'est pour ça de bord qu'ils nous ont montré l'épisode d'avant, qu'aussitôt que Misato il touche la main, il enlève sa main. C'est-tu pour que ça crée, genre... Oui. Oh shit. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un parallèle entre les deux. Ouais, ben oui, j'avais pas vu ça de même. Il refuse les offenses, puis Misato a dit tout de suite, genre, ah, oh, est-ce que c'est parce qu'il aime pas les femmes ou c'est parce qu'il aime pas les contacts humains en général? Ah, puis Misato, elle essayait probablement juste de donner un câlin ou quelque chose, là. Ben oui. Comme je suis pas d'accord d'y attribuer d'autres intentions que ça, là. Okay. I know. Ouais. Ouais. Puis là, mais là, Shinji, ça. On dira pas que ça fait son affaire, mais. Ben là, il se plaint pas. Ça dérange moins. Ouais. Il commence à être habitué, tout le monde y touche la main depuis 2 jours. Wow! C'est là, ça a plus de faim. C'est là qu'il fait comme, bon, ben, faut aller se coucher. Puis le Kaoru qui fait de quoi de cheeky, genre, ensemble. Ah oui, lui, dit, je pense qu'ils t'ont fait un appartement, là. Puis Kaoru qui est juste comme, oh, you break my heart. C'est là qu'il parle de genre, le cœur est une chose fragile, surtout les vôtres, les humains. Shinji est ultra rouge. Bravo, Kaoru, ton déguisement est parfait. Attends. Est-ce qu'il dit... très inaperçu. Est-ce qu'il dit le cœur est fragile comme vous, les humains? Ou... Parce que moi, dans la version en anglais, il dit le cœur est délicat comme du verre, comme le tien, Shinji. Moi, là, j'ai traduit, là, mais... Ouais, non, ça me semble que c'est quoi du monde. Mais comme les vôtres... Ah non, j'ai l'impression qu'il dit genre comme les... Ah ouais, un peu. Est-ce qu'il dit « like yours, Shinji » Peut-être. Puis là, Shinji est comme « Hein? » Je pensais qu'il disait « like yours, like humans ». Puis après ça, il dit « you're worthy of my grace ». Puis là, c'est là qu'on peut... Puis là, Shinji est toujours mêlé, puis là... Kaoru dit « I'm saying I like you » ou dans la version originale « I'm saying I love you ». Ouais. Puis c'est censuré. Il n'y a pas exactement de censure là. Il y a surtout une ambiguïté au niveau des termes en japonais. J'ai fait ma recherche sur ça. Ouais, ah pour vrai? Il y a l'utilisation de « ski » et non pas « aishiteru ». Ok. Fait que ça veut dire amour, mais c'est choisi pour ne pas dévoiler de quelle sorte. Ce qui est sûr, c'est qu'il parle pas comme une personne normale qui dit je t'aime. Oui, non, il dit pas. Ouais, mais quand tu croises quelqu'un en japonais, tu vas-tu dire ça aussi? Tu sais, quand tu commences à croiser quelqu'un, tu dis pas je t'aime, là. Tu sais, il y a tellement une espèce de stigma autour de ça, même dans notre société, où le je t'aime, tu le réserves quand genre c'est sérieux, là. Mm-hmm. Ben, non, tu n'utilises pas ski, mais tu n'utilises pas nécessairement Ishiteru non plus. Mais... Non, ok. Mais même bref. Si tu dis Daisuki, genre je t'aime beaucoup, c'est plus personnel. Ouais. Comme ouais, on entend pour des enfants, des choses comme ça. Ok. L'affaire ici, c'est que. Tu peux interpréter d'une couple de façons, mais « like », c'est probablement le plus proche qu'on est capable. Ok. La version originale n'avait pas dit ça. C'est ça qui est un peu louche aussi, là. Mais la version originale était plus discutable aussi. En fait, la vraie version originale, il n'y a pas de vraie version originale parce que la compagnie qui était en charge du projet au début, ils ont commencé par faire une version sous-titrée, puis après ça, ils ont fait un dub. Puis dans le dub, puis dans leur version sous-titrée, le premier sous-titre dit « love », puis leur dub dit « like ». Oh! Puis ils ont une autre édition plus tard où est-ce qu'ils disent « love » dedans. Puis la version Netflix dit « like ». Fait que c'est pas « il y avait une vieille version, puis là, il y a la nouvelle version censurée ». Non, c'est... Les gens savaient pas trop quoi faire avec. Puis la version Netflix, elle a été doublée par un gars qui travaille sur les projets d'Evangelion depuis vraiment longtemps. Et qui discute directement avec l'équipe originale, fait qu'il sait. Ok. Fait que la traduction qu'on a là, tu sais, à moins que... Je sais pas, il y a peut-être des langues où les sous-titres ont pas été pris directement par lui, mais normalement, si tu regardes en anglais puis en japonais, là, ce que tu vas avoir comme sous-titre, ça va être vraiment super proche. Fait que la team qui a travaillé dessus, ça devrait être vraiment fiable le travail qu'ils ont fait. Puis l'explication, c'est à peu près ce que je vous ai pitché là. Ok, alright. au-delà de la controverse, au final, qu'ils disent love ou qu'ils disent like, c'est déjà pas mal clair qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais, c'est quand même pas mal clair. C'est pour ça que je disais, comme, tu sais, ils ont pas enlevé les mains qui se touchent, pis tout, là, comme. C'est quand même ultra obvious, là. Ce dude-là est un espèce de dieu qui comprend pas les conventions humaines. Non, indeed. Ben, il comprend pas les conventions humaines, mais il sait en esti comment faire plaisir à Shinji, par exemple. Ça, j'ai quand même l'impression qu'il l'analyse, là. Worthy of my grace, pis je t'aime, c'est comme je t'aime comme le Seigneur t'aime, là. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Tu es mon sujet favori, là. Ouais. Favorite plaything. Dieu t'aime. Puis ça, je veux pas enlever de signification, mais justement, je veux pas enlever de signification. Je veux pas qu'on donne du poids à une idée plutôt qu'à l'autre. Mm-hmm. Il y a tout dans ça. Mais dans l'article, c'est intéressant aussi parce qu'il montre comme les extraits du manga, puis. Ouais. Dans le manga, manga aussi, dans... Ouais, il y a dans... des libertés. Ouais, c'est ça. Dans Chambre à coucher, il y a comme pas mal plus d'action, là. Ah, ouais. Ouais, je savais pas non plus, j'ai découvert ça comme tantôt, là. Mais le manga, genre, c'est... moi, je l'ai pas tout lu, je pense... donc c'est pour ça que j'ai pas vu ce livre. Je me suis pas rendu à ce livre-là, mais je me souviens juste que le manga, c'était un peu n'importe quoi. Ah, pas vrai? Bon, d'accord. C'est comme un companion piece, c'est comme une réalité alternative. C'est pas l'intention d'Anno. C'est ça, je sais pas à quel point le réalisateur est dedans. Ou à quel point il y a un autre auteur qui a juste pris le matériel puis qui l'a juste respiné à sa manière. Mais bref, je pense qu'il faudrait accélérer parce qu'on est déjà rendu à partie 2 puis la partie 2 était vraiment pas au milieu de l'épisode, elle était vraiment plus tôt. Moi, j'ai bien moins de notes à partir de maintenant. Sérieux? Ouais. Aïe, il me reste 3 pages. Mais moi, je suis rendu au dernier tiers de mes notes. T'as 8 minutes par page. Bon. Holy shit. Fait que, donc, on arrive à la moitié du titre de l'épisode. The Beginning and the End, or Knocking on Heaven's Door. Ça, c'est intéressant parce que Knocking on Heaven's Door, il est entre guillemets, donc c'est réellement une référence à la toune. C'est pas un addon, là. Oh, c'est quoi cette toune-là? Call it Starf. Quoi? Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Knock, knock, knock it on heaven's door. Ah, je sais plus. C'est fucking vieux, mais... Ben, Guns N' Roses, ils ont fait une reprise, mais je suis pas mal ouais, sûr que c'est pas... C'est ça, je veux dire, je pense que c'est pas l'original, là. Bon, attends une minute. Là. C'est Bob Dylan. Ouais, la vieille musique, je connais pas ça. Yes, t'es classique! Tu mes connais parents... l'hymne à la joie. Come on, mon père, il écoutait juste des affaires fuckées. Pourquoi vous pensez que je suis devenu comme que je suis devenu? T'es classique! Des parents fuckés, qui écoutaient des affaires fuckées. J'ai grandi avec Pete. Je suis sûr que t'avais pas Gendo comme parent. Vraiment? Ok. Bon, parlant de Gendo. Parlant de Gendo. Mais là, c'est Seal, en fait, c'est le conseil, là. Ils sont comme, ok, là, le nerf, là, ça marche pas, là, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a tout détourné à son propre intérêt. On se demande qui? Il faudrait revenir au but original. Ça, c'est quand même intéressant. Yeah. Quel est le but original? Moi, je trouve ça drôle qu'ils disent... Il y a quand même une belle métaphore parce qu'ils disent Nerve est la branche exécutive de Sally. Mm-hmm. Puis ils disent c'est le corps... La branche exécutive, donc comme en business, c'est la branche qui fait des choses. Mm-hmm. Puis c'est le conseil qui décide. Puis après ça, ils disent c'est le corps pour l'âme. Ah oui. Fait que c'est comme, c'est le corps qui agit, puis c'est l'âme qui contrôle. Mais Silly, ça veut dire soul, donc âme. Puis le nerve, ça veut dire nerf, donc le corps. C'est comme... Ils ont pris dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont repris le jargon comme managerial d'entreprise et le jargon comme corps-âme et tout ça. Biologique, ouais. C'est cool, mais ça veut dire quoi, Gehirn? C'est pas cerveau? C'est le cerveau. Ok. C'est pas toi qui avais sorti ça. Mais on s'en fout, il mentionne pas Gehirn à ce moment-là. Ben ça existe plus. Depuis qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé dedans. Lol. Yes. Ouais. Bref. Au même moment, Gendo a comme les oreilles qui... les oreilles qui chauffent. Comment? Je pense que mon time is running out. Ah ouais, hein, il dit ça. Il dit... Il est devant Unit 1, donc le mauve, celui à Shinji. Ouais. Puis là, il parle, mais il parle comme s'il parlait à Yui. Ouais. Puis il nomme Yui juste à la fin de la conversation. Mm-hmm. Ben, de la conversation. De son monologue. Il mentionne que la spear est plus dans les jambes. Y a-t-il juste moi qui l'avais pas vu venir, ça? Quoi, ça? Ben, j'avais pas catché que la spear, il voulait réellement s'en débarrasser, là. Comme, le but, c'était de la garocher en orbite, pis plus la revoir. Ben, Silly, il arrête pas de dire, genre, « Hein, t'as pas trop attendu pour l'utiliser, pis tu la pitches dans l'espace. » Pis le Gendo est comme, « Ben, c'est ça qu'il fallait faire. » Pis Silly, ils sont comme, « Tes petites excuses de marde, tu pourrais te forcer un peu plus. On le sait que t'as essayé de t'en débarrasser. » Mais je catche pas, c'est quoi le problème de la lance? Pourquoi ça l'empêche de faire de quoi? Je le sais pas. Ben, c'est ça. On dirait que c'est ça qui m'achale. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut causer un autre impact, puis ça se peut qu'il y en ait besoin pour le faire. Ben, je pense... Il en aurait besoin pour l'empêcher, peut-être? Ben, je suis pas sûr. Mais dans l'impact avec Adam, là, le géant de lumière au pôle sud, il y avait la lance d'installer, puis je pense qu'il disait genre qu'il fallait la rentrer plus creux ou la sortir ou... qui est en train de l'absorber ou quelque chose. Fait que dans leur contact experiment de ce moment-là, c'était un outil nécessaire. Ça se peut qu'ils savent pas comment faire autre qu'avec ça dans leurs mains, puis là, ils l'ont pu. Ah. Oui, puis ben, on a vu... qu'ils veulent faire, il leur manque un morceau. Puis on a aussi vu à quel point la lance était puissante, fait que j'imagine que si quelqu'un d'autre a la lance, ben Gendo peut se faire arrêter. C'est vrai, ou il pourrait se faire tuer parce que maintenant il y a un morceau de Gendo qui pue très très humain. Ouais. Ça, non plus, là, ça je l'ai pas vu venir. Ça là, je sais pas pour. Moi, je ne me souviens pas avoir jamais vu cette image là. Bon, là, on va le dire. C'est l'embryon de Adam qu'on a vu. Ah, c'est ça. Je pensais que c'était un gros œil. Non, c'est. J'ai fallu que je fasse pause puis que je regarde. Ouais. C'est l'embryon. Mais t'as raison, mais parce qu'on. On l'apprend après, là. De crevette, là. Ouais, c'est ça. Bon, on l'apprend après que c'est ça, anyway, là. Mais sur le coup, je n'avais pas catché qu'il avait la même forme, par exemple. Ouais, Il y a ça dans son camp depuis le début. Ouais. Ou depuis qu'il y a ramené. Que Kaji a ramené. Ça, j'ai pas catché, par exemple. J'ai pensé qu'il aurait peut-être pu aller voler les derniers jours parce qu'il était quand même, ça, être plus en sécurité. Il y a une espèce de complexe de super-héros, là. Il pensait être plus en sécurité avec lui, genre. Je sais pas. Ouais, mais là, il a comme fusionné dans sa main. Ouais. Ouais, mais l'idée, c'est qu'il s'était fait brûler les mains. On va imaginer que c'était on purpose parce que c'est plus juteux. Il s'est brûlé les mains sur la cellule pour avoir besoin d'une greffe de peau, fait qu'il s'est fait greffer quelque chose qu'ils sont allés chercher. Oh my god! C'est quelque chose qu'ils sont allés chercher, ben c'était ça. Est-ce que tu te fous? Ouais, pourquoi prendre la peau ben normale quand tu pourrais prendre la peau de Dieu? Moi, c'est. Il s'est brûlé les mains pour pouvoir se mettre ça après lui. Mm-hmm. Blob, t'avais déjà écouté la série. Est-ce que t'avais écouté la version avec les scènes coupées? Non, je pense pas. Est-ce que t'avais déjà vu cette image-là? Oui. Ah, ok. Fait que c'est juste moi qui l'ai vu. Moi, je me souviens zéro de ça. Je suis comme, hein? Pas longtemps d'où ça plus, sort? Là. T'as peut-être regardé à côté pendant 2 minutes pour genre te prendre une chip, puis ça a pas duré longtemps. Ça se peut que je sois un peu perdu puis que je mélange avec les films parce que ça devient plus important dans le film. J'avais jamais vu ça. Même tu dis ça, ça devient plus important dans le film, puis je suis comme, ah oui? Mm. Ben j'imagine que là maintenant je le sais, je vais pouvoir écouter le film puis comme le savoir. Il plante sa main dans quelque chose. Oh. Ah oui, c'est vrai. Ça sonne gross. Ouais. En tout cas. Fait que là, Gendo, c'est il est ça. Comme, ben, on va écouter les anges, le dernier ange, puis après, notre souhait sera exaucé. Mm-hmm. Fait que, puis là, il nomme Yui, mais il est en train de parler à Unit One. Fait que donc, là, on est quand même pas mal sûr que la mère à Shinji est dans... C'était clair, dans les... À Shinji. C'était clair, là. Ouais, ça devient pas mal, là. Ouais. Ensuite, on a Rei qui est dans son lit puis qui est confuse sur Kaoru. Pis... Ça, c'était la première page de notes. Ah non, mais ça, non. C'est 3 lignes. On va vraiment pas assez vite. Rei confuse, elle se demande pourquoi elle est encore en vie. Ouais, c'est ça. Puis elle sait que Kaoru comme elle, mais elle sait pas c'est qui, là. Fait que, comme elle sait toujours pas qu'elle est un clone. Non. Ah oui, peut-être qu'elle a checké qu'elle était un clone, là, mais de là à savoir que genre. La troisième. Ouais, c'est ça. Mais de là, savoir à qui est, genre, une fabrication de morceaux humains avec des morceaux d'anges, puis qu'il y a une âme qui est apparue dedans comme par magie, comme non, ça a pas catché, là. Ouais. Parce que clairement, elle perd la mémoire quand elle. Elle a pas toute sa mémoire. Mm-hmm. Ouais. Mais elle commence à le catcher, là. Parce que c'est vrai, elle va manifester des pouvoirs tantôt. Elle commence à le catcher, là. En tout cas, on regarde ça pour tantôt. Mais c'est ma théorie, là. En tout cas, on regarde ça pour tantôt. Donc. Misato qui dit bye-bye à Pen-Pen! Ouais. On a d'autres belles scènes de Tokyo 3 toutes brisées avec un gros passenger keep-out. Puis Misato qui dit bye-bye à Pen-Pen et qui a dit qu'elle l'envoie vivre chez la famille Oraki. Ah, j'avais pas catché, shit! C'est la famille de la présidente de classe, Oraki Ikari. C'est vrai. Mais je trouvais ça beau parce qu'on voit que comme t'sais, Misato, elle essaie vraiment de keep her shit together, là, mais de perdre Pen-Pen, ça lui fait vraiment mal. Ça fait pour son bien, là, mais comme, ça lui fait mal, là. Ah ouais, elle tremble. Elle fait un câlin, mais elle tremble en le faisant. Je suis comme, oh non! Ben, tu sais, là, Ritsuko, Shinji qui revient pas à la maison, Asuka qui est partie puis qui est à l'hôpital, comme, c'est crissement tout ce qui reste, Pen-Pen, là. Je trouvais ça, ça m'a, genre, brisé le cœur. Yeah. Donc, anyway, on est à l'appartement de Kaworu, qui est tout mini, puis que Shinji est couché à terre. De toute façon, Shinji voulait clairement pas revenir à la maison, fait que, genre, n'importe quelle excuse de pas revenir à la maison allait être correcte, là. Oh! C'est pour T'avais ça! T'avais pas catché ça? Mais il voulait, tu sais, il niaisait chez Nerve, il était rendu genre 8h le soir, comme clairement, il voulait pas y aller, là. Ouais, ben, je comprenais qu'il voulait pas... Je savais qu'il voulait pas retourner chez eux, mais j'étais comme... Il semble qu'il est allé chez Kaoru aussi rapidement, tu sais, ils se connaissent à peine, mais ah, c'est parce qu'il voulait pas retourner chez lui, il a pris cette opportunité, puis là, ah, ça explique tout. C'est sûr que Kaoru, il est comme fait, genre, je le vois bien, tu veux pas retourner chez vous, ouais, c'est ça, Mais c'est surtout que Kaoru, il va mentionner, c'est à ce moment-là... Ben là, il fait comme, je pense qu'il... de quoi tu veux parler, là, parce que clairement, là, que t'as besoin de vider ton sac. Oui, mais avant... Ah oui, Shinji, il s'excuse d'être... Ah oui. Il s'ostile sur qui dort à terre. Qui couche à terre, ouais. C'est ça. Puis là, Shinji est comme, ben non, c'est moi qui t'ai demandé que je reste. Ah, oh, fuck, oui, c'est vrai. C'est Shinji qui a demandé de rester, puis là, je suis comme, ah, oh, parce qu'il voulait pas retourner chez lui. J'avais pas compris, pas en tout. Non, okay, c'est clair qu'il veut... Il veut pas revenir, il fait le pas, là. Ouais. Ça, c'est Kaworu, pour un extraterrestre, genre, il est fucking clairvoyant, là. Tu sais, il est comme, je vois que t'as besoin de vider ton sac, go. Tu sais, je veux dire, il y a des humains qui ont pas cet insight-là. Là. Okay. Yeah. Puis, il... Ben, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il soit extraterrestre puis qu'il soit capable de connecter plus facilement avec l'intelligence émotionnelle que ça prend pour... Moi, je me demande, est-ce que ça représente l'aboutissement de 23 épisodes où les Angels étudient l'humanité? En les attaquant au début, puis ensuite en essayant de s'infiltrer, en essayant de comprendre, en essayant de pénétrer la psyché des gens. Comme plus ça va, plus les Angels ils s'adaptent, puis on voit qu'ils s'adaptent à une vitesse qui est toujours de plus en plus folle. Puis c'est ça, je me demande, est-ce que c'est comme... C'est triste que Blob ait la bouche pleine, là. Est-ce que c'est l'aboutissement de toute la série, ou est-ce que là, les Angels ont vraiment compris comment ça marche? Yeah. Peut-être. Je sais pas, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant comme analyse. Qu'est-ce que t'en penses, Blob? Je sais pas non plus, mais moi, il doit être connecté à tout ça. Ben, on j'ai avait l'impression. Un feeling que les anges, il y avait un genre de conscience collective. Ouais, ou que chacun qui arrive était comme plus wise que le dernier, tu sais. Ah, c'est ça, il y avait comme une conservation des apprentissages quelque part, même s'ils étaient des unités indépendantes. Ouais, c'est ça qui est fou. Je sais pas depuis combien de temps Kaworu existe, mais... Je veux dire, peut-être qu'il reçoit toutes ces informations-là depuis le début. Ouais. Fait que, ouais, Shinji, il vide son sac, il parle de sa vie avant. Ouais, comme il parle s'il de sa parlait vie de, comme s'il parlait avec un confident. Puis ça a l'air de le surprendre lui-même d'être aussi de faire des confidences comme ça, alors qu'on sait qu'il d'habitude il est pas, c'est pas son genre. Fait que comme il s'arrête genre whoops. Mais comme c'est bien parce que comme ben, Shinji a besoin de ça, d'avoir un ami avec qui il peut parler puis ouvrir je veux pas dire ouvrir son cœur, parce que ça sonne trop comme amoureux, mais comme... Non, mais c'est un peu ça, là. De parler de ce que tu ressens ouais, pour le vrai, là. Ouais, oui. Mais tu peux faire ça avec un bon ami. Mm-hmm. C'est pas une relation amoureuse nécessairement. Mm-hmm. Mais, bon. L'épisode nous le met un peu sous-entendu, quand même. Les servir, ils voient que Kaoru est en train de le dévisager, puis là Shinji rougit en fou. Puis là Kaoru sort de quoi? De cheesy? Did you know, I might have been born so that I could meet you. Puis moi j'ai écrit, c'est cheesy en esti, moi je tomberais jamais pour ça, mais peut-être que Shinji, oui. Est-ce qu'il y a pas genre des années de date et de mauvaise pick-up line dans le corps? Oh, parce que si ça a l'air d'une pick-up line que quelqu'un me dirait dans un bar, genre, comme... Pour vrai? Ouais, c'est lettre, là, c'est moi, j'ai vraiment pas pris de même. Moi, ah ouais, comme... je l'ai vraiment vu. Ah, c'est Kaoru qui parle encore comme un extraterrestre, c'est comme... Oh, non, non. Ah, il est né juste pour ça, puis je pense comme... que je suis né juste pour te rencontrer, mais... là. Mais si ça se trouve, littéralement, oui! Dans son cas, oh, oui! Oh, fuck! Dans son cas, oui! Oh, fuck! Ouais, c'est, il fait partie d'un plan. Ouais. C'est ben, Shinji est rendu comme Asuka, sauf avec moins de critères. Là. Il a juste besoin de la première béquille émotionnelle qui peut tomber. N'importe quoi va marcher. Là. Mais c'est ça, c'est que ça fait vraiment longtemps qu'on en a pas parlé dans la série, mais comme... Shinji, tu le complimentes puis tu fais sa journée, là? Oui. Fait que c'est justement, on part mal, là. Comme quelqu'un me fait des compliments. I was born so I could meet you. Oh my god. Ouais, mais, non, t'as raison. Ouais, non, je pense que Kaoru y est né. Tu sais, je me suis toujours... je me souviens les premières fois que j'avais écouté cet épisode-là, à chaque fois, j'étais comme... Voyons, Kaoru, il sort de où? De, comment qu'on apprend son existence? Puis à un moment donné, j'ai réécouté l'épisode, j'étais... Ah, oh, il sort de nulle part. De nulle part. Mais c'est il, ça, il le apparaît, but. Il chante, puis il est il sa apparaît statue, au moment comme, opportun. Allô? Mais c'est ça, fait que si ça se trouve, il... Bon, le nerve, il savait qu'il s'en venait, fait qu'il apparaît Seal, pas complètement de ben non, Misato, elle savait. Mais Misato, elle a reçu, genre, un communiqué qui lui dit qu'il y avait un cinquième pilote qui arrivait, là. Elle savait pas d'avance. Ouais, c'est ça. Lui, il est capable de leur parler directement. Ouais. Ouais, c'est ça la prochaine scène. Dans le fond, ouais, c'est Kaoru qui jase avec Sele sur sa statue. Dans, au milieu d'un lac. Ouais, comment ça qu'il est capable de faire un appel Skype, là, lui? Ben, il est capable de faire ben des affaires, hein? Parce que d'habitude, ils sont comme dans une pièce complètement noire, vraiment spéciale, qui est chez Nerf, tu sais. Dans le holodeck. Ouais, c'est ça, genre, je sais pas pourquoi lui, comme, il peut être en plein milieu d'un lac, genre, puis avoir un appel Skype avec Seal. Ouais, il est bien connecté. Ouais, c'est ouais. Ça. Lui, il a la connexion cellulaire. Ça fait probablement un certain temps qu'il est dans leur bureau, là, puis il a des peut-être. Pouvoirs comme ça, là. Plus c'est intéressant le dialogue. Moi j'ai juste noté bla bla bla bla. T'as fait ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai tout écrit. Et ils disent pas fou. Genre qu'il y a le corps puis l'âme d'Adam. Non. Attends un peu là. Ils font juste dire qu'il y a un homme qui essaie d'obtenir un pouvoir égal à un dieu. Il y a un homme qui, comme nous, essaie d'ouvrir la boîte de Pandore. Puis, il y a un homme qui essaye de fermer la boîte de Pandore avant que l'espoir puisse réapparaître dedans. C'est-tu que c'est clair? Blablabla. Là, j'ai juste écrit genre, mais là, ils ont des buts contraires à Gendo ou ils ont des buts communs à Gendo? Je suis complètement confuse. Ouais. Puis là, Kaori dit, ah, mais c'est ça l'idée des humains, de l'espoir. Puis là... Ils sont comme, l'espoir est apparu, c'était Lilith, la progénitrice de l'humanité, première fois qu'on entend ça. Je sais. Fucking première fois qu'on entend ça. Plus, ça explique pourquoi ils appellent les humains les Lilines depuis le début. Ce sont les descendants de Lilith, I guess. Puis ouais, c'est ça. Les successeurs usurpateurs qui sont arrivés de la lune noire, puis ensuite Adam, le progéniteur des successeurs légitimes, les anges qui sont maintenant perdu de la lune blanche? What the fuck? Yeah. What the fuck? Bla bla bla, on s'en calisse. C'est comme du foreshadowing de bullshit. Plus c'est ça, ça dit que l'âme de Adam a été mise en toi. Puis là, c'est ça, moi j'ai marqué, ok, fait Kaworu c'est l'âme de Adam, puis le corps de Adam est encore dans le sous-sol. Mais là, après tantôt que le corps de Adam il est pas dans le sous-sol. Yeah. Non, parce que le corps de Adam il est dans la main de Gendo. C'est ça. Ah, puis ils disent ça, c'est ça. His restored flesh is already with Ikari. Puis là, j'ai marqué, c'est quoi, il a pris la chair du dude dans le sous-sol. Mais il n'y a plus de dude dans le sous-sol, en tout cas. À cause de tout ça, Kaworu est comme, ah, oh, moi puis Shinji, on est vraiment semblables. Je suis comme, hein? Hein? Dans leurs sentiments, peut-être. Mais je pensais qu'il voulait peut-être dire que, genre, lui, son corps, c'est Gendo, puis Shinji vient du corps de Gendo parce que c'est son fils. C'est pas clair. Ouais. Tu veux... Ouais, je sais pas. C'est pas clair. Plus le conseil est comme, c'est précisément pour ça qu'on fait appel à toi. Plus il raccroche, puis il est comme, ça tombe bien, je m'en allais là. Mais genre... OK. Rien de ça qui fait du sens! C'est ça! Le fait que la série nous sorte ça, c'est comme, on pourrait probablement passer 3 épisodes de podcast à analyser qu'est-ce que ça veut dire. Il y a tellement d'options, des gens là. Sur Internet qui l'ont fait. Il y a tellement c'est comme, choix. Au final, si le réalisateur a balancé ça en 30 secondes de dialogue, ça doit pas être important. Mais c'était probablement décidé d'avant, c'est comme la mythologie de son univers, là. Ça devait être décidé ouais. avant. Là. Mais comme... Si c'était si important que ça, il aurait dû mettre plus de temps là-dessus. Il l'a pas fait, fait que next. Non, c'est pas grave, on va tout avoir... Je vais vous donner genre 2-3 lignes pour expliquer la fin de l'épisode. Bon. C'est tout. Fait que Misato, elle espionnait de genre 3 km de distance, puis il l'a spoté. Parce que c'est un fucking dieu. Yeah. C'est weird. Ouais, ça a dû vraiment faire peur. Ouais, un peu. C'est freak, là. Qui se revient, puis il te regarde, et t'as genre fucking 3 km, là. Ouais. C'est clair. Mais ça l'empêche pas Misato de faire quand même des recherches sur lui puis d'envoyer son aide dont j'ai déjà oublié le nom. Le technicien à lunettes. Il a fucking volé les documents à Maya. Je comprends pas pourquoi t'aurais pas pu juste demander à Maya ces documents. Pourquoi il a fallu qu'il vole? Peut-être que oui, c'est oui. des affaires ultra confidentielles. Ouais, mais Maya est pas aussi haut de gradé. Là. C'est les idées à plan de marde qu'a Tsurayi. Peut-être. Pis ça, comment ça, genre? C'est excellent. Nice. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les tests qui pouvaient indiquer que Kaworu pouvait changer son sync rate, pouvait choisir son sync rate comme bon lui semblait? Comme... C'est quoi, ils l'ont testé? Ben, je pense qu'il atteint genre 400%, fait qu'ils sont comme, ouais. Ouais. 400. Je suis pas sûr. Ok, anyway, Misato va voir Ritsuko dans sa cellule. Mm-hmm. Ritsuko est comme, tu sais qu'on est enregistré. Et Misato est comme, tu sais que je m'en calisse. Ça fait partie de son plan de merde. Ben, elle est comme, fuck tout. Ben, c'est parce que c'est qui ce dude-là? Puis Ritsuko a fait juste répondre, The Final Messenger. Ok, la liste. C'est la première fois que les anges se font appeler par ce nom-là. Ouais. C'est des vrai, messagers, hein? Ouais, c'est vrai, ça. C'est intéressant, hein? Parce que des messagers, c'est pas comme quelqu'un qui vient détruire, c'est quelqu'un qui vient t'apprendre quelque chose. Puis si t'analyses la série au complet, je pense qu'on a compris jusqu'à maintenant que chaque ange a aidé les personnages à apprendre des choses. Les anges, bon, d'un point de vue scénaristique, les anges sont un plot device pour faire avancer l'histoire puis montrer des trucs entre les personnages. Mais justement... Les anges sont des messagers qui aident les personnages à évoluer dans leur vie. Mm-hmm. Ouais, ok, sure. Il y a plusieurs fois qu'on a la question de genre, ils nous ont-tu vraiment attaqué? C'est qui a starté ça, genre? Yeah. Fait que Kaoru est avec Unit 2, celui à Asuka. Il parle dans le casse. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Adam's alter ego and Lilin's loyal servant. Ouais. Come along. Ok, sure. Come Mais along. Dans le fond, je comprends. C'est quelque chose qui a été fait à l'image de Adam, puis qui sert les humains. Ouais. C'est une marionnette des humains qui a été faite à l'image d'Adam. Moi, je le comprends. C'est pas si ok, c'est pas okay, ok. Puis là, il marche sur l'eau parce que les références bibliques, on n'avait pas fini! Il marche pas sur l'eau, il flotte. Ouais. Mais comme son pied comme vis-à-vis de l'eau, là, en tout cas. Ouais, ok. Ouais, c'est juste moi qui vois les... C'est juste moi qui vois des références publiques. Yeah. Mais oui, il évite et il hymne à la joie. Porc! D'après vous, est-ce que la toune a une signification dans... dans l'épisode. Troubler. Ouais, je pensais religieux. Que c'était un chant religieux. Ouais, c'est ça, ça sonne religieux. J'étais sûr que c'est un chant religieux. J'essayais de me rappeler c'était quoi. Ben non, c'est fucking l'hymne à la joie. Ben, c'est qui? C'est Beethoven, ça? Ouais. Beethoven, est-ce qu'il faisait des messes? Il me semble que oui. Probablement. Fait que probablement pour une messe. Ouais, ça se peut. C'est probablement une affaire religieuse. De la musique, les symphonies puis les compositions dans cette époque, pas mal tout le temps, soit pour un roi, soit pour la religion, soit pour les deux. Mais au-delà de ça, tu sais, l'hymne à la joie, la joie, est-ce que ça a une signification dans ce contexte-là? Puis j'ai cherché un peu, mais j'ai rien trouvé. Fait que je me suis dit que j'allais vous poser la question. Je pense que c'est pour que ça sonne cool. Ben, je pense que c'est pour que ça sonne dissonant, là. Alors, c'est ça, pour que ça provoque un « what the fuck ». Ouais, c'est bizarre. Comme ailleurs. C'est comme, le bout qu'on entend, si je me trompe pas, c'est pas le début de la pièce. C'est comme le milieu ou ça. Mais c'est le refrain, là. Mais là, il nous... c'est assez silencieux, il est dans une salle vide, il parle avec le... On a eu des scènes très silencieuses. Puis là, il nous blast l'hymne à la joie dans le tapis. Mm-hmm. Avec les sons d'alarme que genre « Holy shit! Le Unit 2 s'est activé! What the fuck? » Ouais. Ouais, puis c'est comme dans toutes les autres fois aussi qu'il y a de la musique symphonique complètement pétée puis dissonante. Genre, même quand la scène devient plus tranquille, la musique, elle arrête pas, elle. No. Même quand ça fit plus, la musique, elle arrête pas. No. Fait que ouais, les alarmes partent, l'Eva 2 s'active, mais il y a personne dedans. Tout le monde est comme, comment ça qui s'active s'il y a personne dedans? Puis c'est là qu'on a un flash de Asuka à l'hôpital. Ouais. En train de fixer le plafond complètement sonné. C'est pour ça que moi, j'étais comme, elle a fait une tentative de suicide, puis là, elle est sur le soluté, là. J'étais sûr que c'est ça, là. Ça, oui. Mm. Il y a un AT Field qui vient d'apparaître, c'est un AT Field bleu de Angel, puis ça je trouvais ça intéressant parce que même le dernier Angel qu'il y a eu, son AT Field était changeant, parce qu'on sait que les Angels ont comme un peu appris à avoir un autre pattern à un moment donné pour pas se faire détecter par les radars. Fait que ça fait juste m'indiquer que ce Angel-là, dans le fond, il se fait détecter par les radars et il s'en calisse. Clairement. Ouais, c'est ça, ben, j'ai l'impression c'est que c'est plus ça, là, comme... C'est il ça, arrive pas de loin, lui, il est comme « Boum, je suis déjà là, allô! » Ouais, pis j'ai pas essayé de fucker tes radars pis me camoufler ou quelque chose, là, comme « Non, je suis là. » Pis là... Ben, essentiellement, il les a trompés en n'ayant pas de field identifiable. Oui, effectivement. Il était juste... Il avait juste mis trop faible, il y avait rien. Mm. Pis... Donc là, il y a la discussion de Fuyutsuki pis Gendo qui est intéressante, parce que... Fuyutsuki, il est comme... Je peux pas croire que Céline nous a envoyé ça. Comme tu lui as tout de suite fait le lien, là. Que ça a été planté, là. Puis Gendo qui dit les vieux schnocks essayent de skipper une étape pour nous forcer à le faire, à faire de quoi, là. Puis je trouvais ça intéressant. Gendo, c'est une couple de fois qu'il parle de Célé en disant The Old Men. En disant comme basically les vieux Chris. Puis je trouvais ça intéressant parce que. Tu sais, la scène finale avec la mère de Ritsuko, on apprend que Gendo, dans son dos, il la traite de vieille Chris. J'ai comme l'impression que Gendo a aucun respect pour le monde plus vieux. Ou le monde en général. Ah, peut-être. Ouais, j'ai pas moi, mais les plus vieux, encore moins. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il y a aucun Chris de respect pour le monde plus vieux, là. Comme... Ouais. Parce que c'est vrai, c'est là qu'il traite tout le temps. Fuyutsuki. Ah. Parce que Fuyutsuki, c'est quand même son adjoint, puis on sait qu'il il doit avoir 10 ans de plus que lui au moins. Ouais. Mais Fuyutsuki aussi, c'est comme un... Je pense qu'il le voit comme le meilleur ami de sa femme, puis le seul qui l'a aidé à garder sa femme. Ouais. C'est pas fou. C'est ce qu'il y a de plus proche d'un ami dans tout ça. Mais je pense qu'il y a du respect pour Fuyutsuki, parce qu'il y a aussi un moment où Fuyutsuki a fait comme « Ok, j'expose ta face aux médias, you dead. » Ce qu'il a fait « Ok, d'abord, on va devenir amis à la place. » Fait qu'il est encore juste pour le manipuler. Ouais, mais je pense qu'il y a du respect, genre. Parce que c'est la personne qui a fait « Je vais te détruire. » Je sais pas. Fait que là, on est supposé comprendre que Silly, ils veulent juste faire la même chose que les anges essayent de la série. Ouais? Je suis comme... Ouais, qui ont comme le même, exactement le même but, mais c'est peut-être ça qui est dans les Dead Sea Scrolls, je sais pas, mais ouais, qui aurait exactement le même but que les anges. Après ça, ouais, ben peut-être qu'ils veulent arriver là, pis là... whatever ce qu'ils veulent, ils veulent connecter ou ils veulent le prendre, ils veulent-tu le... Ça a jamais été clair qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les anges. Fait que, donc peut-être que Silly veut se rendre à la même endroit, convoite le même objet, mais peut-être pas pour faire la même chose avec. Mm. Puis là, ils disent, on espère que Eva 1 va, genre, faire la job. Ça, c'est celui à Shinji, ouais. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça juste pour que Gendo, il fasse comme, oh, ok, je vais utiliser Eva 1. Ils sont comme, yes, c'est ce qu'on voulait. Pourquoi? Je sais pas. Fait ben là, en fait, j'ai une petite idée, mais on y est après. Okay. Les anges, on n'est pas trop sûr de ce qu'ils veulent en réalité. Je pense qu'ils agissaient chacun pour eux-mêmes. Il y a des anges probablement qui voulaient faire un autre impact parce que ben, c'est ça, c'était ça leur but. Il y a des anges qui voulaient plus comprendre les humains pour ben, peut-être juste parce qu'ils étaient curieux. Il y avait au moins un ange qui était comme je veux retrouver mon progéniteur qui courait après l'embryon d'Adam. Je pense qu'il y avait chacun leurs petites affaires. Puis c'est juste que Nerve disait ah, les anges veulent détruire l'humanité en causant le troisième impact. Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est là, il veut faire ça. C'est juste qu'on vous le dira pas. Puis c'est vrai que l'humanité, on est vraiment du genre, là, quand il y a des trucs qu'on connaît pas, mettons un peuple qu'on connaît pas, quelque chose, on les met toutes dans le même panier en pensant qu'ils pensent toutes pareil. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça. Fait que c'est clair que l'humanité, en fait, ah, oh, mais les extraterrestres, ils veulent ça. Ils sont comme pas capables d'imaginer qu'ils pourraient justement avoir de l'individualité. Puis, flashback, on se rappelle, Asuka, elle avait posé la question à un moment donné, genre, où c'est Shinji qui demandait c'est quoi les. Pourquoi on les attaque, puis Asuka était comme, ben, ils nous attaquent, fait qu'on se défait. Ah, puis c'est là, tout, là. C'est... c'est pas si simple que ça. Non, on est même pas sûr où est-ce qu'il allait. Et... Ah ben, il essayait d'aller à Nerve, là. Beaucoup, c'est juste de péter Nerve. Là, moi, j'ai vraiment presque plus de notes, en fait, à partir de maintenant. So mais much comme, note. C'est juste des... Tu sais, ils se battent, là, puis... Ah non, non, non, il y a plein d'affaires. OK, bon, ben... Oh my God. Je te laisse l'idée à partir de maintenant. Faut juste aller vite. Ouais, dans le fond, Misato se demande pourquoi le Angel est parti avec Eva 2. Pis genre, Fuyutsuki, il dit, c'est peut-être pour fusionner avec. Pis Gendo, il dit, c'est sûrement pour tout péter. Je trouvais que c'était intéressant comme genre, comme vision de la chose. Pis comme, tu sais, leur dualité, hein, tous les deux, entre personnages. Ensuite, on skip à Shinji, qui est vraiment fucking mad que Kaworu soit un ange. Pis tu sais, comme, c'est ça qui est flat, parce qu'il n'y a pas eu assez de build-up pour qu'il se forme vraiment comme une attraction entre les deux, ou une relation entre les deux. Mais je trouvais que ça avait vraiment l'air d'un tantrum un peu enfantin, quand il pète sa coche, que Carol Rue est un ange. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça avait pas l'air sérieux cette fois-ci. Ouais. C'est peut-être parce que justement, il y a pas eu assez de build-up ou qu'il y a la musique de Hymne à la joie qui sort en arrière, mais je trouvais que pour une fois, il y avait l'air comme « Ouais, mais là, c'est pas juste. » Ouais. Je pense que c'est une des rares fois où ils ont fucké le rythme. Ouais, dans ça c'était... En même temps... Tu sais, Shinji qui faisait pas confiance à personne, Kaoru a réussi... à gagner sa confiance. Ouais. Le tout petit peu de confiance que Shinji a, il a réussi à en prendre. Puis là, il vole, il trahit. Shinji va jamais s'en remettre. Ouais, il dit, tu m'as trahi juste comme mon père. Je suis comme, ouh! Ouch! Oh, ouais, non, tu veux pas te faire comparer à son père. Non, c'est ça. Ouch. Jamais. Surtout par Shinji lui-même. Ouais, c'est ça. Les Eva sont fucking où? Sont-ils en chute libre dans un fucking trou qui descend en bas, genre, avec pas d'escalateur? Ouais. Il y a pas de rappel, là. Lui, il se pitch là, pas de rappel, ils sont en chute libre. Mais est-ce que Eva 2 est en lévitation contrôlée par Kaworu, puis Eva 1 en se pognant dessus, en se battant, c'est là que genre sa chute est contrôlée? Pourquoi qu'ils vont pas s'écraser à terre en arrivant au fond? Tellement de questions. Mais ils s'écrasent pas mal à terre. Ben, y a de l'eau, ça amortit leur chute. C'est des Eva, ça résonne. Ouais. En tout cas, commence à se péter sa gueule. Shinji s'excuse à Asuka avant de commencer à péter son Eva. Je trouvais que c'était extrêmement poli, puis très très in character de sa part. Ouais. S'excuse à Asuka, mais ça comme, je vais péter ta ferraille. Mais peut-être qu'il sait pas qu'il est pas dedans. Oh shit. Fuck, non, il doit le savoir. Peut-être, mais je sais pas clair. Pas mal sûr qu'il entend les discussions des autres, là. Ils ont comme un radio pis tout, là. Et intéressant ça. Kaworu qui commence à faire son speech de genre, est-ce que c'est un speech de gros méchant? Je ne sais pas, c'est pas clair. Fait que les Eva, c'est des créatures qui sont nées d'Adam, mais qui sont des abominations aux yeux de l'humanité. Puis je trouvais ça intéressant parce que, comme ces autres qui sauvent l'humanité, c'est-tu vraiment des aberrations aux yeux de l'humanité? Comme c'est une aberration parce que c'est un mi-alien. Ça serait une aberration si les gens du public savaient que c'est un mi-alien, mais comme ils pensent que c'est des mecs, les gens les considèrent comme des saviors, comme des héros, et non comme des aberrations. En tout cas. comme des hommes en armure. Ouais, je sais pas pourquoi il dit ça. Ouais. Mais il dit que c'est très perplexant que les humains l'utilisent ça pour survivre. Puis c'est vrai que dans le fond, ils utilisent comme les armes de l'ennemi pour survivre, parce qu'ils ont pris une partie de l'ennemi pour faire une arme pour survivre. C'est quand même intéressant. Shinji qui dit « Why are you doing this? » Kaworu qui répond « Les Eva pis moi, on est fait de la même chair. On vient toutes les deux de Adam. Si c'était pas qu'il y a un âme dans le Eva, je pourrais merger avec. Mais là, le Eva ferme son âme à moi en ce moment. Fait que je peux pas merger avec. » Non. Ah. Ah. Moi, j'ai compris le contraire. Il peut contrôler les Eva qui ont pas d'âme. Puis comme Unit 2 a caché son âme à l'intérieur, il peut le contrôler. Ah, je trouvais pas ça clair parce que ça dit « He's closing off his own soul. » Et donc, ouais, ben moi c'est... Ah, c'est parce que moi, la phrase d'avant, c'est pas j'ai mutuellement compris. Exclusif, là. Il a pas fusionné avec et il contrôle, peut-être. Ouais. Ouais. Mais c'est juste que je me demandais, c'est-tu la mère Asuka qui est dans l'Eva 2, on sait-tu? Puis de toute façon, ouais, c'est ça, quand il était dans Plug, ça marchait. Quand il est pas dans Plug, ça marche pas. Pourquoi qu'il a pas juste décidé de rentrer dans Plug, en tout cas? Je sais pas. Je me souviens pas si on a tout dit, mais c'est pas mal sûr que c'est sa mère qui est dedans. Ouais, c'est ça. Fait que sa mère, elle essaierait de se protéger. Ou le morceau de sa mère qui avait du sens. Ouais. Mais encore là, ouais, je dis ça, puis tout d'un coup, ça fait du sens avec la théorie que j'ai pour la fin. Shinji, la lame de son couteau tombe sur le 80 field de Kaworu. Je sais comme pas si c'était voulu ou si elle a juste glissé. Parce qu'il fait comme le saut. Il fait comme « Oh shit! » Kaworu, il y a un 80 field. Moi, je pense que son couteau a glissé et il s'est ramassé vers Kaworu. Puis là, Kaworu a sorti son 80 field. Puis là, Shinji a fait « Depuis quand que t'as un 80 field, toi, là? » Ouais. Puis là, j'ai marqué « Bullshit, bullshit, sacred region, light of the heart, everyone has 80 fields. » What? Ouais, c'est ça. Mais ça, j'ai l'impression que c'est genre lui qui comprend pas les humains. Tu sais, il dit c'est « It's an inner wall that we all possess. » J'imagine qu'il parle des anges et non des humains. Ah, ah, ah! Quand il parle de tout le monde. Non, il décrit les 80 fields à ce moment-là. Ouais, c'est ça. « Bullshit, bullshit, sacred region, light of the heart. » Non, non, non, non, non. Non? Field, c'est une vraie chose, c'est le Hedgehog Dilemma. Oh, shit. C'est littéralement, c'est ta barrière de ton ego. C'est juste que là, ils en ont des tellement forts qu'ils la projettent puis ils s'en servent pour se battre avec, mais... Est-ce que t'as... Bon, Anne-Marie, est-ce que tu as écouté l'opening de temps en temps? Ouais, mais pas tout le temps. Parce qu'on voit à Mané qu'il y a deux mots qui clignotent pendant... Oh, trois frames. Mais sont pas genre en japonais, les mots? Non, non, en anglais. C'est okay. Anti-Terror Field. Je pense que c'est Absolute Terror Field. Absolute Terror Field? Ouais. Ouais, okay. Oui, t'as raison. J'ai clairement pas catché ça. Le champ de protection de la terreur absolue, c'est quand t'as vraiment peur, quand tu veux te défendre ton âme, c'est ton ego, c'est la seule barrière qui sépare les humains des uns des autres. Ça va revenir d'un film. Probablement pour ça qu'un Eva, ça fait pas un 80 field par lui-même. Ça prend une âme dedans. Mais ils ont déjà des âmes. Ouais, ben, s'il y en avait pas, ils pourraient pas... Hein. Mais ils ont pas des vrais... Ah oui, ok, bon, ouais. C'est vrai, ils ont l'âme dedans. Là. Ouais. Ils ont l'âme dedans, mais qui est pas piloté. Ouais. Quand tu Kaworu, il dit tout ça, puis Shinji est comme « How the fuck would I know? » Shinji, genre, je sais pas, moi, on a tous des 80 fields, what the fuck? Il y a un petit moment cute entre Misato, ben cute pis désespérant entre Misato pis son technicien. Où est-ce qu'ils, genre, ils se mettent d'accord que si ça chie, on self-destruct pour prévenir le third impact? Mm-hmm. Pis son technicien qui dit ça me dérange pas de mourir si c'était avec toi. Pis là, est-ce que le technicien est genre le gars qui est secrètement en amour avec Misato depuis le début puis on l'avait toutes pas vu? Je pense que c'est juste amené dans cet épisode-ci. Ben non, parce que l'épisode où est-ce que Shinji est dilué en soupe dans sa plug, Light essaie de faire des blagues pour y remonter le moral, puis Misato il fait clairement comprendre que c'est fucking pas le moment. Ah, c'est vrai. Peut-être mais il essaie de faire des blagues. Mais oui. Ça fait sûrement un certain temps qu'il essaye de quoi. Je pense que oui. C'est une bonne raison pourquoi il l'aide à trouver des infos. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. Puis comme, ça fait que, on le voit à deux moments dans cet épisode-ci, c'est comme, d'un point de vue scénaristique, d'amener un personnage comme ça à répétition, de montrer qu'il met des efforts énormes pour aider Misato. Après ça, quand il dit genre, en fait, je t'aime bien, puis on va pouvoir se self-destruct si ça pète. Ben là, c'est comme, oh, c'est touchant. Alors que si on l'avait vu pour, alors que si ça avait été, mettons, imagine si même scène, mais ça aurait été l'autre technicien avec les cheveux longs qu'on n'a pas vu de, du tout dans l'épisode, on aurait fait comme, d'où tu sors, toi? Ouais, c'est ouais, clair. Mais, c'est mais clair. Là, tu fais, ah. Est-ce qu'il y a de la hiérarchie, puis... Puis elle fait juste dire merci. Puis ça change de scène. Fait qu'ensuite, j'ai marqué Kaoru flotte puis philosophe pendant que les Eva se pètent la face. Man's hope is lined with sorrow. C'est tout. Ok. Puis là, tout d'un coup, paf, il y a le plus gros 80 field que personne a jamais enregistré de l'histoire de l'humanité. Puis ça bloque toutes les ondes. Ça bloque les ondes radar, les ondes radio. Ils sont comme rendus au fond de la caverne. Parce qu'il y a des stalagmites blancs, on dirait qu'on s'est jamais rendu là. Ils sont juste comme, ils ont comme pété le fond, là. Ils sont comme plus bas que Terminal Dogma, genre. Non, non, ils sont rendus, c'est vrai. Mais ils ont, sont rendus en pétant le fond. On n'a pas vraiment vu, mais ouais, on est là. Fait que Kaoru, il fait juste se pousser. Parce qu'il s'en crisse du combat, là. Fait qu'il fait comme toutes les dudes badass, laisse les gens se battre en arrière, puis il se pousse. Mais il se pousse pas, il continue à s'avancer vers son objectif. Ben, il, ouais, c'est ça. Mais il s'occupe pas de la bataille, genre. Comme il tourne le dos à l'action. Genre. Ouais. Eva 2 essaie de le poursuivre, mais Eva 1 le retient par... c'est l'inverse. Eva 1 essaie de se poursuivre, puis Eva 2 le retient par la cheville. Kaoru ouvre la porte de Terminal Dogma avec son esprit. Ouais. Ouais, ok. Ben ouais, il est rendu omni. Mais ça, tu vois, les techniciens sont supposés être en blackout, mais sont tous au courant qu'ils viennent ouvrir la porte. En tout cas. Ils ont d'autres sensors pour ça. Ouais, sure. Les deux, Eva se pètent la face. Il y a un nouveau 80 field qui pète à travers le premier 80 field, incapable d'être identifié. Puis paf, il disparaît. Puis tout d'un coup, motherfucking Ray qui est présente sur la scène, qui regarde de haut comme une esti badass. C'est elle qui vient de manifester un 80 field, là, c'est clair. Là. C'est elle qui vient de faire un trou dans l'autre. Là. C'est pas elle qui vient de catcher, genre, ah ouais, j'ai du sang d'ange, moi aussi, je suis capable de faire ça. Oh. C'est pas ouais, moi je pense que c'est ça. Là. C'est elle qui vient de catcher qu'il y a des powers si elle essaye. Là. Huh. J'avais jamais compris. C'est pour ça que les radars ont fait comme il y a un autre ange, il est plus là. J'avais l'impression que c'était ça. C'est juste la présence à Ray qui a dû utiliser du power pour percer à travers le field de l'autre. Puis après ça, elle a arrêté. Elle était rendue où est-ce qu'elle voulait de toute façon. Okay. Exactement. Ouais. Je le voyais de même. C'est juste pour montrer qu'elle est capable. Ouais, c'est ça. Kaoru qui arrive devant Adam puis qui dit mother figure to my kind, ce qui est quand même intéressant, comme l'espèce de changement de genre. Je dirais que c'est plutôt une figure maternelle, mais c'est plus comme une progénitrice justement, fait que je vois l'intérêt. Puis il dit est-ce que tous les gens qui sont nés d'Adam essayent de revenir à lui, donc ça voudrait dire pourquoi toutes les angels ont essayé de se rendre là. Even if that means dooming humanity, donc ils savent que s'ils se connectent avec Adam, ça va faire le troisième impact. Mais pourtant, les Eva ont rien fait péter quand ils sont allés sur le bord, genre en allant chercher la lance. Ah, la raison pour laquelle ils ont jamais rien fait péter, c'est parce que Adam est pas là, c'est Lilith. Ouais. La chose blanche. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de troisième impact à chaque fois que quelqu'un est descendu en bas chercher de quoi. Fait qu'Adam, c'est le truc qu'il y a dans la main à Gendo. Yep. Ouais. Fait que ça, c'est Lilith. Mais Lilith, on n'a jamais entendu parler de ça avant. Non. Dans la mythologie juive, je dis mythologie juive, là, parce que apparemment dans Torah, elle est mentionnée comme deux fois gros max. Ouais. Lilith, c'est comme la première femme d'Adam qui est née en même temps et de la même façon. C'est pas Ève qui est née de sa côte, là. Lilith, elle a été créée avec Adam pour y faire genre 100 enfants par jour ou quelque chose de même. Shit. Ouais, il y a une affaire de fou comme ça. Là. La Torah. Mais c'est vrai parce qu'il y avait un terme de la Torah dans l'épisode d'avant. Fait que ça veut dire que c'est ça son inspiration. Là, ça fait vraiment du sens. Ça passe exactement. Là. Apparemment, ces espèces de cossins-là qui ressemblent à des dieux, ben sur Terre, il y en a deux. Il y a Lilith puis il y a Adam. Puis ben, Lilith, elle a fait 100 enfants, qui est la vie sur Terre. Puis Adam, ben il. Apparemment, il est resté pogné. Ils l'ont trouvé plus tard. Ces affaires-là, ils sont arrivés dans des espèces de trous sphériques. Fait que ça, c'est le ouais. géofront, puis c'est le trou au pôle sud. Mm-hmm. Ouais. Chacun leur trou, puis c'est les, leur berceau, les lunes. Là. C'est comme ah, c'est ça, la les lune lunes. Blanche, la lune noire, mettons. Ouais. C'est quelque chose comme ça. C'est une anti-lune. On sait pas si ça a rapport avec la vraie lune de la Terre, mais peut-être. Potentiellement, ça serait élégant vu qu'il y a souvent la lune dans les épisodes, dans c'est l'indé. Vrai. On a Keishi dans le chat ouais, qui c'est... nous... Ça sort directement de Google. Tu googles Lilith, puis c'est la première fois qu'il te pop le texte qu'il a mis. Ça doit être Wikipédia, ça veut dire. Lilith is a figure in Jewish mythology developed earliest in the Babylonian Talmud. Lilith is often envisioned as a dangerous demon of the night who is sexually wanton. Wanton? Wanton, ouais, c'est pas... c'est pas un mot qu'on voit souvent, wanton. Ça veut dire deliberate and unprovoked. And who steals babies in the darkness. Wow. Ouais, anyway, à un moment donné, je pense que... c'est quand même la femme de Adam, là. Ouais. Est punie pour plus avoir d'enfants, fait qu'elle en va à la place, ou un espèce de cossin même. Là. L'idée, c'est que Lilith dans Evangelion, c'est Lilith telle qu'imaginée par des Japonais. Ouais. Hein. Et reconfigurée en espèce d'alien dans une série de robots géants. Mm-hmm. Yep. Y a pas beaucoup de robots géants dans cette série-là, je trouve. Il n'y en a pas assez. Bien. Il n'y en a aucun, en fait. Il n'y en a aucun, Chris! Il n'y a aucun robot géant. Where's oui, my il y a mecha? Jet Alone. I was told mecha. Oui, c'est vrai. C'est Jet Alone, c'est le seul mecha. Attends, c'est ce qui est efficace. Note. Fait que, ouais. Dans le fond, apparemment, le géant de lumière, il a dû genre exploser puis se défaire en morceaux. Puis avec les morceaux, il aurait fait les Eva ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais... possiblement, l'Eva de Shinji, ils l'ont faite avec des morceaux de Lilith à la place. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, entre autres, que c'est un des rares qui a genre deux yeux humains ordinaires, tandis que les autres ils ont des faces étranges avec plusieurs yeux dessus, mettons quatre. Oh shit! Ok. En tout cas, mais c'est pas ben ben grave de quoi ils sont sortis, de quoi sont faits. La plupart, ils sont faits avec des morceaux d'Adam. Mm-hmm. Kawuru, il est probablement fait avec des morceaux d'Adam, mais il a au moins son code génétique, j'imagine. C'est un genre de clone. Ouais, ben il y a au moins un morceau humain, là, c'est clair. Là. Mais de toute façon, les Eva, ils l'ont dit dans l'épisode avant que ça avait été fait avec... genre, ils ont dit que c'est du salvage. Et c'est littéralement des morceaux ramassés à gauche à droite, probablement après le Second Impact. Il va avoir justement le géant de lumière qui est juste ouais. comme des petits morceaux partout, puis ils ont juste ramassé des shit, là. La fin, c'est que si j'ai bien compris, Rey est faite avec de la matière de Lilith. Ah oui? Potentiellement l'Eva de Shinji aussi, parce qu'on dirait qu'ils ont harvesté les jambes. Oh shit. Je sais pas. C'est comme, il aurait pogné les jambes pour faire peut-être l'Eva de Shinji puis toutes les Rey qu'il y avait dans les tanks. Peut-être. Mon dieu, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça même. Là, Adam, il a une arme. Ouais. Et dans Kaworu, ben Lilith, elle a une arme aussi, quelque part. Oh. Ouais, ok. Es-tu dans la bébite qui se réveille pas qui fait rien, ou est mm-hmm. possiblement dans Ray? Ouais. Hmm. Fait que c'est ça. Probablement que l'arme de Lilith est dans Ray. Puis ben, c'est pour ça que Ray, c'est pas Yui. C'est mm-hmm. Ray, ou c'est Lilith, peu importe. Ouais. Fait qu'on a du stuff de Lilith avec le code génétique de Yui. Genre? Puis elle a l'âme de whatever, probablement Lilith. Ouais. C'est là qu'on est rendu. Et tout ça n'est aucunement important mais c'est... dans cette série. Parce que c'est la dernière fois qu'on va nous entendre parler. Ouais. J'en reviens pas que t'aies pas de notes, là, il reste encore une page. Non, ouais, j'ai... Après ça, je suis rendu au nettoyage de Unit 1. Tabarnak! Ben oui, mais là... Ouais, ben c'est parce que le reste, le je le sais. Là. Mais il y a tout le speech de Kaworu. Ouais. Le fait que Shinji le ramasse, puis Kaworu, c'est genre un dieu, puis il se tasse pas, là. Genre, fait que littéralement, il se laisse ramasser. Ouais, mais Shinji, ouais. Il fait exprès, là. Mm-hmm. Ben, l'affaire, c'est que Kaworu, il représente les anges qui... Dans le fond, c'est eux qui auraient dû développer la vie sur Terre, mais à la place, ils se l'ont comme fait voler par toutes les Lilines. Puis en essayant de les comprendre pour potentiellement comme les éliminer puis reprendre leur place, Kaworu, il arrive, puis comme il les comprend, puis il est comme, vous valez quelque chose, on peut pas juste vous enlever. Puis pour ça, ben, je suis prête à comme arrêter là. Ouais, c'est vrai ça qu'il expliquait avec le conseil tantôt, là. Parce que dans le fond, les Lilin, c'est les usurpateurs, puis que c'est les Angels qui auraient dû coloniser la Terre. Ouais, non, ouais, c'est vrai ça, indeed. Fait que d'avoir analysé l'esprit humain, ça leur a montré, genre, qu'il y avait quelque chose de précieux, là. Puis il l'a vu particulièrement dans Shinji. Là, ça donne tout, des deuxièmes dimensions à tout, qu'est-ce qui s'est passé avant. Puis c'est pour ça qu'il est comme, ben, dans le fond, ma destinée, c'était de continuer à vivre, même si l'humanité meurt, mais je pourrais mourir ici si ça me tente, dans le fond, je m'en fous un peu. Mais, attends, Blob, qu'est-ce que tu viens de dire, là, l'affaire de deuxième... Tu veux dire que ça donne un deuxième sens à tout ce qu'on a vu? Ouais, ben tu sais, l'amour de Kaworu puis tout ça, c'est un peu l'amour pour l'humanité parce qu'il a réalisé que c'était quelque chose qu'il trouvait beau. Mm. Au final, les anges, après avoir analysé les hommes, au lieu d'avoir juste vu les canons puis tout ça, ils se sont rendus compte que dans nos têtes, il y avait de quoi de précieux puis ils ont eu un certain respect pour ça. En tout cas, Kaworu, il en a été capable. Mm-hmm. C'est vraiment très, très, très, très intéressant. C'est dommage. Pas en tout. Tabarnouche, tu coupes, Narf. C'est dommage que quoi? Ouais. C'est rendu l'heure dans la soirée où tu coupes, en fait. Je sais pas pourquoi ça arrive tout le temps à cette heure-là. C'est vraiment très intéressant, mais quoi? C'est vraiment intéressant que tout ça. C'est juste vraiment très dommage que c'est le que la série nous a pas montré du tout. Non. Et... Ouais. Non, parce que ça, c'était dans la discussion avec Célé tantôt, mais effectivement, là, la série rend fucking pas évident, là. Je pense que j'ai une idée de qu'est-ce qui cause mes problèmes, alors je vais tout fermer Dropbox et compagnie. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps vers cette heure-ci que tu plantes. Continuez. Ben dans le fond, je comprenais pas le genre si Kaoru voulait vivre ou pas, là, parce qu'il est comme, ben, ma destinée, c'est de rester en vie, puis de faire ça, mais là, moi, dans le fond, je m'en crisse, puis il dit, choisir de mourir, c'est la liberté absolue, which is, I mean, yes, I guess. J'ai juste marqué, je comprends pas, est-ce que tu veux vivre ou tu veux pas vivre? Puis Shinji, il reflète mon sentiment de genre, je comprends pas, d'où tu veux vivre ou tu veux pas vivre. Kaworu, il dit, ben, c'est ça, c'était mes derniers mots. Tu peux me détruire, là. Parce que si tu me détruis pas, ben, toute ta race est finie. Fait que c'est ça. Je trouve ça intéressant, only one life form can avoid extinction. Puis c'était comme... C'est pas clair, genre, Ray, est-ce que ça l'implique ou pas? Parce qu'il y a comme un cut to Ray, à un moment donné, quand il dit ça, là. Genre, comme... T'sais, est-ce que Ray, elle va mourir s'il y a un Third Impact? Ou est-ce que Ray, elle va mourir si c'est l'humanité qui gagne? C'est comme pas clair, en tout cas. Fait qu'il dit, ben, c'est ça, Blob, ouais. Si tu te souviens de la fin du film, c'est un peu drôle. Ah, pour vrai? Est-ce que c'est pas ça? Non? Ouais, je sais pas. Ouais. J'ai jamais compris la fin du film, fait qu'on va pouvoir l'analyser à trois. On va l'analyser en esti. Il reste que dans l'espèce de mythologie de tout ça, les deux espèces de formes de vie, il y en a une des deux qui est supposée de pas être là. Mm. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que les autres, c'est comme des mix, genre, c'est fourrant, là. Mais là, c'est ça, il y a le bout de Kyo qui est comme, mais toi, Shinji, je pense que tu mérites de rester en vie. Puis je pense que ta race mérite d'avoir un futur. Fait que merci, je suis contente de t'avoir connu. Puis c'est là qu'il y a le freeze frame qui dure genre 2 minutes puis qui nous permet d'explorer les couplets non connus de l'hymne à la joie. Mm-hmm. Parce qu'il y a juste ça qui se passe. Pendant fucking longtemps. C'est plus long que toutes les scènes d'ascenseur malaisantes qu'on a eues. C'est plus long que toutes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui disait qu'ils ont censuré des affaires dans la version Netflix, qui d'ailleurs n'est pas vrai, c'est juste un meme, c'est juste drôle, mais ça, ils l'ont pas censuré, heureusement. Ben, je veux dire, la toune est intéressante, là. Puis je veux dire, c'est... Déjà, ça fait partie du style, ça fait partie du style de la réalisation de faire des trucs longs, vraiment malaisants, fait que, t'sais, rendu là, on est comme plus choqué. C'est... Dans l'épisode original, c'est potentiellement qu'ils ont utilisé ça pour rallonger... les scènes coupées. Ouais. Peut-être, je sais pas, mais je pense pas. Non, je pense que c'est ben, vraiment long. Rallonger puis rallonger, là, ouais, c'est ça. Puis, parce que c'est ça, c'est qu'il nous montre... OK, je suis curieux, Anne-Marie, d'entendre toi qui était là, puis qui, bon, je, à un moment donné, effectivement, tu décroches. Est-ce que tu savais qu'est-ce qui allait se passer? Non. OK. Qu'est-ce que t'as pensé pendant? Je suis dans le suspense. J'attendais juste qu'il prenne une décision. T'attendais le suspense. Ouais. OK. OK. Soit qu'elle allait le tuer, soit qu'elle allait le lâcher. J'étais complètement dans le suspense, donc je me rappelais pas du tout. OK. Fait que... Puis c'est intéressant parce que la toune qui était très épique, puis qui prend... Au début, elle a un crescendo. Elle a des accords un peu... Non, mais dans tout le freeze frame, au début, c'est un peu plus dark. Et là, ça finit, puis là, ça devient comme plus... comment dire? Pas mélancolique, mais plus doux. Ouais, c'est plus doux, ouais. C'est plus doux, puis là, t'as comme de l'espoir, puis là, t'es comme « Ah! OK, peut-être que ça va bien finir. » Et juste au moment où ça devient un petit peu trop d'espoir... Cut to black. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, par exemple. Je m'attendais à le voir bouger. Je pensais pas qu'il allait juste couper au noir tout de suite, là. Je pensais qu'on allait voir en fait... Ouais, plouf. Plouf. Plouf. On avait promis des têtes décapitées pour cet épisode spécial d'Halloween. Elle est là. Elle est là. Fait que là, Eva qui se fait cleaner avec Gendo pis Ray. Fait que Ray, elle s'est pas évaporée, elle est encore en vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le dernier ange vient de mourir, techniquement. C'est tellement anticlimatique. C'est tellement anticlimatique, là. Ah, c'est vrai, ça. C'est comme, c'est le dernier range. C'est le dernier range. Qu'est-ce qui va se passer? Il reste deux épisodes encore, là. Super long! Mm-hmm. Puis il était squishé de même aussi, là. C'est pas genre, haha, je vais me battre. Non, non, c'est genre, je veux que tu me tues, Hugo, là. Ah, c'est tellement anticlimatique. J'ai hâte de voir les deux autres épisodes, là. Là, ça... Attends, on n'est pas fini. Il y a la plage. Oui. Shinji est à la plage. Donc, la même plage que Kao. Ouais, qu'il a rencontré. Il était avec Misato. Mm-hmm. Puis c'est là qu'on voit que comme la relation s'arrêtait bien, qu'il l'étire un peu plus là, parce que tu sais comme Shinji a comme plein de souvenirs de genre crime, c'est la première fois que quelqu'un m'a dit qu'il m'appréciait, tu sais. Puis il était dans le fond, il était un peu comme moi puis Ray, ce que comme je sais pas si je catch vraiment là. Tu sais, on dirait que c'est lui qui essaie de d'appliquer genre de trouver des similitudes avec. Je sais pas trop là, mais il était tellement comme moi puis Ray là, il aurait dû survivre, tu sais. Ouais, si ça avait été tiré sur plus longtemps... Ça aurait fait plus de sens. He was a way better person than I am. Comment tu... Hein, tu sais... Ça sort d'où, ça, genre? Ben, il était super gentil. Il a pas couru de ses objectifs pis ses responsabilités. Oh. Mais plus que ça, genre... ignore la fin. Comme, tous les beaux moments qu'il y a eu avec Shinji pis Kaoru... Ouais, mais il était un flirtatious bitch, genre... Ouais, mais Shinji a pas l'air d'avoir détesté ça. Non, il a pas détesté ça. Mais... Shinji, ouais. T'sais, oublie le flirting. Il a surtout comme été comme un confident, un bon ami. Ouais. Il était là pour lui, mais j'avais l'impression que c'était pas désintéressé d'être là pour Shinji, par exemple. J'ai l'impression qu'il faisait exprès. On le sait. Ouais. Mais comme même si ça se trouve, Shinji, il a passé 10 pieds par-dessus la tête. Ça, ben Shinji, oui. Comme genre, oh, il y a quelqu'un de nice qui est comme juste nice puis gentil puis qui me demande comment ça va puis qui me fait parler alors que d'habitude j'ose pas parler à personne. Soudainement, Shinji fait baisser son 80 de Hedgehog Dilemma. Puis comme il sauve un peu. Genre, ouais. Quand t'es comme ça puis quand t'as quelqu'un qui te parle puis qui te fait sortir un peu. He was a way much better person than I was. Mais là, c'est là que j'ai ma grosse théorie. Écoutez bien ça. Puis c'est peut-être exactement ce que Louis dit, puis que vous êtes d'accord, je sais pas. C'est juste Vas-y. Que là, je suis tout seul avec mes théories, là. Vas-y. C'est pas Shinji qui l'a tué, c'est Eva. Mm. C'est Eva qui a fait squish. Parce que Shinji a de l'air d'être mad qui est mort, là. Il fait comme, ben, il aurait pas dû mourir, là. C'est moi qui aurais dû, genre il était vraiment une bien meilleure personne, c'est moi qui aurais dû. Puis il y a eu une hésitation de fou. Puis bien avant, Silei avait dit, on espère que Eva 1 va accomplir la tâche qu'on veut qu'il accomplisse. J'ai l'impression que c'est Eva 1 qui a fait le kill. Puis Eva 1, c'est qui? C'est genre, c'est Yui, c'est Lilith, c'est... Tu sais, les Eva, ils se laissaient comme pas manipuler par Kaworu. Tu sais, le 2, il laissait pas rentrer dans son esprit. Fait que les Eva, ils ont-tu comme leurs propres âmes, pis ces âmes-là sont comme ça c'est un angel, pis on détruit ça. On est fait pour ça, on pète des angels. J'en ai aucune idée. Ah ouais, c'était pas une théorie qui existait déjà, ça? Je pensais que c'était un peu obvious, mais... Non, moi, tout ça, c'est comme, je sais pas, je comprends rien, non, j'ai pas expliqué. Pas ça, puis c'est comme un peu en opposition avec l'idée que je me faisais d'Yui en partant. Fait que... Mais je me demandais si c'était peut-être pas plus une programmation d'Eva, genre. J'ai pas l'impression qu'ils ont tellement de programmation. Non, c'est vrai. Au sens machine. Mais c'est que j'ai l'impression qu'encore là, comme Shinji a pas l'impression, t'sais, comme il a pas voulu faire le kill. C'est pas c'était son genre de squisher des gens avec qui il aurait voulu coucher deux minutes avant, là? T'sais, comme, je veux dire, il a passé la série au complet à faire comme, c'est mon ami, je vais pas le péter. T'sais, ouais, de là... Il était fâché d'avoir été trahi. Puis là, il a peut-être eu... T'sais, avoir une aussi longue hésitation, suffit d'avoir... T'sais, avoir une aussi longue hésitation, t'as la plus grosse arme de la planète entre les mains. Avoir juste... un petit parcelle de frustration ou de rage ou de je sais pas c'est quoi le nom du sentiment qu'il y a dans la tête à Shinji à ce moment-là. Mais tu sais comme Kaworu il venait de le calmer genre, un peu là. Hey, tu m'as trahi grosse merde. Puis là comme oups. Il y avait pas l'air d'être dans cette émotion là. J'ai pesé sa gâchette. Mais c'est pas un oups, j'ai pesé sa gâchette, ça prend 3 minutes avant que tu le fasses, tu sais. Non mais il l'a dans les mains. Mais ça avait tellement pas l'air d'être cette émotion-là, parce que Kaworu venait de faire une espèce de speech, puis tu sais, ses speeches, ils bougent vraiment, tu sais, ils créent beaucoup d'émotions chez Shinji, tu sais, il venait de dire, genre, je suis content de t'avoir rencontré, merci, etc. Tu sais, comme, Shinji, il est pas du genre à taper sur quelqu'un qui est déjà à terre, là. Comme, il est déjà pas du genre à taper sur quelqu'un qui est debout, en train de l'étrangler, parce qu'il sait que c'est son ami, genre. C'est vrai. Est-ce que je trouve ça tellement uncharacteristic, genre. C'est vrai. Ça dépend, parce que son comportement dans l'Eva, il était radicalement différent. Ouais. Il avait tendance à se servir de la... Ben, c'est pas une machine, mais mettons, à se servir de la machine pour justement faire le Shinji frustré qui défie un petit peu l'autorité et tout ça. Peut-être. C'est sûr que, I mean, Kaworu, il a demandé de le tuer, là. Fait qu'au final, il a un peu fait comme ce qu'il avait demandé, là. Fait que ça peut-être qu'il serait capable. Il est pas capable de résister, de faire ce qu'on lui demande de faire. Ouais, go with the flow. En tout cas. Fait que Misato, pour comme, je sais pas, le consoler or some shit, parce qu'il parle avec Misato, elle dit, ben, tu sais, c'est juste ceux qui ont la volonté de survivre qui vivent. Pis comme ça, je me demande si c'est un hit sur Kaji pis Ritsuko, genre. C'est comme un soft hit que, genre, toi, t'avais la volonté de vivre fait que t'es encore vivant. Les autres, je sais pas. Ben, Ritsuko est encore vivante, là. Ouais, mais ça y tente plus. Hein. Ritsuko, je suis sûr que genre, comme je serais pas surprise qu'elle se suiciderait pis que Gendo y enlève toutes des mains, là. Je serais genre vraiment pas surprise, là, en tout cas. Qu'elle est en isolation notamment pour ça, là. Ça a dit, dans le fond, Kaworu, il voulait mourir. Il a abandonné sa volonté de vivre pour se raccrocher à un faux espoir. Pis elle dit pas c'est quoi le faux espoir. Ben, l'espoir que la mort va résoudre tous les problèmes, je sais pas. C'est peut-être une... J'ai l'impression que c'est de quoi, de genre, avec les anges, puis l'humanité, puis les espèces qui doivent survivre, puis je suis sûr que c'est une shit de même. Parce que le début, peut-être pas cette phrase-là, mais l'autre, juste le début de ce qu'elle dit, tu sais, elle est en train de parler de suicide, puis de gens qui ont des pensées suicidaires. On a vu le début de l'épisode avec Asuka. Il y a peut-être un... Tu sais, c'est peut-être le moment où le scénariste, ben, le réalisateur, il est comme, là, cet épisode-ci, nous allons parler de suicide. Et de gens qui veulent mourir. Et, ouais. Puis elle dit à Shinji, ben, fais-toi-en pas, là. Puis Shinji dit, wow, that's really cold, Misato-san. C'est le même que ça finit. Je pense qu'elle a de la misère à ne pas être satisfaite que les anges soient finis, enfin. Oh, ça c'est un read intéressant. Hein? Ouais, c'est un read très intéressant, c'est effectivement sa vie. Là. Ouais. Qui arrive n'importe quoi était prête à risquer pas mal tout pour détruire les anges. Fait que si elle avait découvert un petit gars qui était l'ange final, il fallait qu'elle ait toutes les informations puis qu'elle réussisse à l'éliminer elle-même si quelqu'un d'autre le faisait pas. Oh ouais, la réponse. Comme, ben, t'as fait ce qu'il fallait, là. Elle a parlé à un moment donné comme quoi Shinji, c'était... il avait comme son rêve entre les mains, ou le rêve de Nerve dans ses mains. Puis là, ben, il vient de le réaliser, fait. Qu'il n'y aura pas de turning back, là. Je pense qu'elle comprend qu'elle peut pas lui demander soit un peu heureux de ça, mais elle aimerait ça qu'il soit un petit peu heureux de ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle, elle voudrait être heureuse. Ben, ouais, être un peu heureuse de ça, dans le fond. Ouais, non, j'aime ça, j'aime ça. Intéressant. Elle, c'est sa finalité, là. C'est ça qu'elle voulait depuis le début. Fait que pour elle, tout est beau, mais elle peut pas être heureuse de ça. Shinji, il est comme « that's cold ». Comme, je viens de perdre mon love interest, là. Genre, s'il te plaît, là. Interesting. Fait que le preview, je l'ai écouté pour une fois. On est rendu à l'épisode 24, puis c'est à peu près à tous les épisodes que Narf me dit que je devrais l'écouter. Je l'ai enfin écouté. T'es chanceuse, aucun de ce qu'il y a là-dedans va être dans le prochain épisode. T'es-tu sérieux? Oh my god! Parce que, tu sais, on disait qu'il y a des affaires qui ont été coupées. Oh man, c'est vraiment très drôle ça. Ben, c'est ça, essentiellement toute l'action, physiquement ce que les personnages font. Mais les sketchs sont rough là, c'est vraiment dur à savoir qu'est-ce qui se passe là. C'est des images de stories. On est en train de voir des images de storyboard. Ouais. Alors vraiment que, j'ai l'impression que la série était vraiment rendue comme, on n'a pas encore reçu les dessins, donc on va montrer le storyboard. Hein? Ouais, pas sûr. Sont beaux en plus, leurs storyboards. Sont efficaces pour des storyboards. Tu vois, les robots sont des formes cubiques géométriques. Ah, il y a comme des bouts avec des espèces de post-it pour changer les yeux des bonhommes. Puis... Mm-hmm. Ouais, ben c'est des. Je pense qu'à l'époque, ils travaillaient comme ça. Ils faisaient le storyboard, mais après ça, ils capturaient sur pellicule pour pouvoir l'écouter en film avec les voix des acteurs. Fait qu'ils pouvaient écouter le film, même le film au complet, il y avait de l'air de ça. De cette espèce de rough dessiné, mais c'était quand même animé parce que justement, il changeait les yeux des personnages. Fait qu'il était capable de. C'est juste que ça roulait à genre un frame par seconde au lieu de. 24, 16, je sais pas, les 24, 20 millions. C'était de la TV, c'était probablement 15 ou 30. Je sais pas. Mais je vous aime, il est tard. Mm. Ok, fait que tout ce qui est dans le preview, on reverra pas ça. Dans le fond, Nerve qui fait face à l'annihilation. Puis ils ont refait ces épisodes-là pour comme faire le film avec. Ah, ok. Le film, c'est autant une nouvelle fin que c'est. Une fin alternative. C'est ce qu'ils auraient voulu faire, puis qu'ils ont été comme censurés, puis à bout de temps, puis de budget un peu. Alright. C'est le bad ending. Ça, je trouve ça vraiment bizarre, là, comme le phrasé dans le preview est vraiment weird. Là. Ça dit « Human Instrumentality Project and Ray are both set in motion ». Comme si Ray, c'était un projet, genre. Ah, ok. Bon, tout le monde fait des faces. Ouais, ben, j'imagine que si Kaworu va pas faire d'impact avec Adam, Ray va le faire avec Lilith. Oh! Je veux dire, c'est deux affaires semblables, probablement que les deux fonctionnent. C'est juste que ça aiderait s'il y avait le pic, je suppose. Le pic? La lance de Longinus. Ouais, le curtain. Ok, interesting. Non, c'est ça. Parce que j'ai marqué après, c'est du chialage, mais j'ai le temps de le faire dans les autres. À d'autres endroits, là. Comme le fait que c'était trop rapide, là. Comme le build-up de la relation était trop rapide. Je suis pas sûr que c'est pour ça que ça m'avait pas marqué dans le temps, parce que genre. C'est quasiment un Monster of the Day, genre, parce qu'il apparaît. Comme c'est un Monster of the Week, genre, il apparaît à l'épisode, puis il se fait péter à la fin de l'épisode, genre. Puis comme l'épisode aurait pu dire, ok, on va que focusser sur ça, mais on a quand même vu toute la boutte avec Asuka, toute la boutte avec Ritsuko. C'est comme. On a vu en masse d'autres affaires qu'il aurait pu skipper pour nous montrer que ça a duré plus longtemps. Mm-hmm. Mais ouais. Parce que, tu sais, au final, quand quelque chose de court, un court-métrage peut nous montrer une relation en 5 ou 10 minutes, on peut s'attacher super gros à un personnage. C'est comme, ça se fait. C'est juste que là, ça n'a pas fait ça. C'est comme, ça, parce qu'il y avait trop d'autres choses. Il aurait pu nous montrer que ça aille plus vite, mais bon, c'est pas. Mais c'est pas grave. C'est juste un. Je pense que c'est ça. C'est que la série arrivait à sa fin, puis là. Tu sais, Blob, c'est ça que tu disais tantôt, là. Il est comme. À l'épisode 16, il s'est pogné un livre de psychologie. Puis là, soudainement, il y avait. Comment t'as dit ça? C'est qu'il a réalisé c'était quoi qu'il avait eu. Comment? Mais il a lu le livre de psychologie, puis c'est comme Dynasty. Son historique, c'était qu'il travaillait sur des projets d'animation. Je pense qu'il travaillait avec Miyazaki à un moment donné. Puis là, après ça, après un certain temps, ses projets, ça marchait moins. Puis je sais pas s'il comprenait pourquoi, mais il y a eu une espèce de blank créatif pendant, je crois, environ 4 ans. Ouais, donc il a fait un burn-out. Mais il savait pas. Il a voulu faire de quoi sur fuir. Ou pas pouvoir fuir de tes responsabilités, ou, tu sais, avoir le goût, mais décider de pas le faire, comme Shinji fait sans arrêt. Ça, c'est une des prémices pour la série. Puis quand il est arrivé à l'épisode 16, il avait besoin de trouver des affaires sur la psychologie de Ray, fait qu'il y a quelqu'un qui a conseillé un livre de psychologie. Et à ce moment-là, ça a eu un effet dévastateur sur lui, parce qu'il a enfin compris que... Il présentait des symptômes de dépression qui était quelque chose qu'il n'avait jamais même envisagé, apparemment. C'est lui-même. Mm-hmm. Fait que là, il a comme compris qu'est-ce qu'il y avait tout ce temps-là, puis que c'était un diagnostic médical qu'il avait probablement besoin de faire soigner, tu sais, pour être bien en vie. Puis peut-être ça met en perspective, genre, le début de la série. Ben, toute la série, en fait, parce que ça parle de conditions humaines. Mm-hmm. Fait que probablement que pendant longtemps, il s'est dit « Ah ben oui, des humains, ça fait de la dépression sans arrêt, là. C'est ça, être humain. » Jusqu'à ce que tu se rende compte que finalement, ben, il était malade et il y avait des solutions. Ouais, c'est ce que tout le monde pense de la dépression tout le temps, en fait. C'est de « Ah, oh, ça arrive aux autres. Mm-hmm. » Puis là, à un moment donné, pis, t'sais, toi, Anne-Marie, t'étais là au talk de. Au Fancy Tea-Cade. Il y avait une personne qui racontait que, genre, t'sais, elle allait pas bien. Puis elle cherchait pourquoi. Puis là, c'est facile, avec le recul, elle est capable de me dire, ben, j'étais en burn-out. Mais sur le coup, elle savait pas. Parce que c'est ça, quand t'es en burn-out, tu sais pas. C'est la définition même. C'est. Quand t'es en dépression, souvent, tu le sais pas non plus. À moins que là, genre. Mais maintenant, on le sait plus, on est plus alerte, on est plus capable de le voir venir. Mais comme. Ouais. Ça me fait penser à l'affaire des privilèges. Genre. Les privilèges en société, la définition de ça, c'est un peu que tu peux pas savoir c'est quoi parce que pour toi, c'est normal. Mm-hmm. C'est comme tu te rends pas compte que c'est pas la situation normale. Ben, c'est comme le proverbe de l'affaire du brin d'herbe dans l'œil du voisin quand poutre que t'as d'en face. Donc, que tu vois plus les défauts des autres que tu vois les trop. Je pense qu'Anne-Marie, elle voulait nous mentionner quelque chose puis qu'elle a été sur mute pendant ce temps-là. Bon Dieu, excusez, ben oui, j'ai pas vu. Ça me dérange pas, mais je veux dire, t'avais sûrement quoi de super intéressant à dire. Ben non, c'était la même affaire, c'est juste que t'as pas de recul. Quand t'as pas de recul, tu le vois pas, puis c'est que le changement se fait graduellement aussi, qu'il y a des changements graduellement qui se font, puis que t'as pas de recul, on les voit juste pas, là. Mm-hmm. C'est comme invisible. On est des grenouilles dans l'eau chaude. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Fait que... Pour le fun, Anne-Marie, qu'est-ce que tu t'attends des deux prochains épisodes? Mais l'affaire, c'est que je me rappelle que c'était du gros n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je me rappelle pas vraiment c'est quoi. Mais, ça descend tes attentes. C'est pas juste. Dans le fond, mes attentes sont basses, là, mais comme crime, si je me rappelais pas de ça, là, je serais vraiment fucking hype parce que, genre, ça serait la fin. Mais tu sais, Célé a mentionné que, genre, la destruction de Tokyo 3, ça fait avancer leur plan, là. Fait que, genre, si je me rappelais pas de la fin, je m'attendrais à du Final Showdown Apocalypse, destruction de Tokyo 3, genre, Kevin du Geofront, pis tout pète, là. Comme, je m'attendrais à de l'action en débile. Mais dans le preview, c'est ça que t'as vu aussi, là. Il y a genre un Eva avec une espèce d'épée du Wall Blade. C'est pas vrai, j'ai pas remarqué. J'ai trop occupé à lire les sous-titres, honnêtement, là. Mais ouais. Non, c'est ce que les fans s'attendaient. C'est, ouais. C'est ce que les... Mais c'est sûr, c'est ce que Céline nous promet, genre. C'est... Ouais. Ah ouais, en fait, c'est ça. On s'attend à un fucking final showdown entre Céline et Gendo. Genre. Je pense que c'est ça que j'attendrais. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que je sais qu'on va se retrouver dans le mindscape de Shinji puis que ça va être, genre, un trip d'acide pendant deux épisodes. Ouais, mais il est beau. Il est beau, puis il vaut quelque chose. Puis si tu mets tes attentes à off, écoutez ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est pour ça, moi, c'est pour ça qu'il a fallu que je les ai... C'est quand je les ai réécoutés la deuxième fois que j'ai fait comme, « Ah, you know what? Les épisodes 25-26 sont vraiment bons, mais il faut pas que tu les écoutes deux fois, parce que quand t'es sous le choc... T'es en train... Hey, c'est un deuil, c'est le deuil de la série que t'es en train de faire, là, parce que t'es comme, genre, je m'attendais à quelque chose, puis là, la série est finie, est déjà finie, mais il reste deux... Je pensais qu'il y avait deux épisodes, mais non, c'est fini, c'est passé. Puis... Ah! Ouais. Ça fait du bien parce que c'est positif. C'est comme si la série, ça s'en venait comme une pneumonie de pire en pire, puis là, les deux derniers épisodes, c'était soupe Lipton. Ouais. C'est le pédialyte, en fait. Avec des nouilles à la baie. Ça goûte pas bon. Mais c'est ça que t'as de besoin. Genre, tu dis ça, là, pis comme... Tout ce que je pense, là, c'est genre... Est-ce qu'on va dire de ça de la fin de Game of Thrones dans 5 ans, mettons? Non, la fin de Game of Thrones, c'est de la merde. Je l'ai pas... Je l'écoute pas ça, mais... C'est ça, je sais comme c'est... Genre... Quand ça s'est sorti en 95, c'est exact... Genre, le monde devait être fucking mad, comme nous autres, on est mad de la fin de Game of Thrones. Mais comme... C'est pour ça on dirait que je me demande comme... Ben, 20 ans plus tard, en fait, genre, vas-tu faire que... Dans le fond, là, c'était la fin qu'on méritait, pas la fin qu'on voulait. Ah, pis ça, par contre... Ah non, non, là, je ne veux pas parler contre les fans de 95, mais je pense qu'ils étaient déçus que ça n'ait pas fini dans leur harem rêvé. Oh! Ah, définitivement! Ouais. Comme, c'était trop avant-gardiste, là, les gens, ils voulaient juste savoir le reste de l'action, là. Ouais, tandis que pas Game mal. Of Thrones n'a pas été discuté nécessairement sur l'action qui était là ou qui n'était pas là. Mm-hmm. Ils ont fait genre, ben, ils ont fait des affaires de marde avec nos personnages. Oui, puis en fait, c'est drôle que tu parles des fans parce que, ben, peut-être on pourra en reparler plus tard, mais comme les fans ont envoyé des lettres de menaces de mort à la suite de la diffusion des épisodes 25-26 pour se plaindre que c'était comme pas la fin qu'ils voulaient, essentiellement. Bref, la même chose qui est arrivée avec la fin, genre, de Mass Effect, puis ben, en fait, Gamergate, puis toutes ces affaires-là. Ben là, c'est ça qui est arrivé. Puis Gendo... Hideaki Anno a utilisé ces lettres-là dans les films. Genre, il y a des flashs à un moment donné, puis on les voit, puis on peut les... Pour si vrai? Tu fais pause, ouais, tu peux les lire. Yeah! Party time. Il reste que ces épisodes 25-26, apparemment, c'était plutôt qu'est-ce qu'il avait planifié, c'est juste qu'il n'a pas pu mettre comme toutes les scènes d'action qui expliquent c'est quoi la fin du headquarter, puis tout ça. Fait que, pour ça, je préfère qu'on prenne un peu de temps pour que ceux qui nous écoutent et qui écoutent les podcasts en même temps, ils puissent comme... J'aime mieux mettre la barre des attentes à la bonne place. Puis comme... Ben, vous écouterez le film après ça. Puis le film va peut-être vous donner l'action que vous avez envie. C'est pour ça qu'Anno l'a fait le film pour donner l'action que les gens avaient envie. C'est Gendo qui a fait la fin qu'on aime pas, mais c'est Anno qui a fait la fin qu'on aime. Maintenant, laquelle est laquelle? Ouais. Bon, là, il est vraiment tard. Il est vraiment tard. Demain, c'est que je vais écouter les deux épisodes ensemble. Puis si on discute juste du premier, on discute juste du premier. Moi, je pense qu'on va les séparer. Ça nous prend trop de temps. Ah ouais, oui, fait que la semaine prochaine, on écoute le 25 et l'autre, on a pris le 26. Elle dirait qu'on voulait se taper les 4 derniers d'une shot au début. Ben ouais, on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, mais même après qu'on a arrêté de faire ça, Narf était comme, oh non, mais les derniers, on n'a pas le choix, faut qu'on les écoute tous ensemble. Ouais, mais. J'étais comme. C'est parce que moi, je pensais que ça allait prendre trop de temps, puis là, tu m'as dit, ben c'est correct que ça prenne trop de temps. Ah, ça aussi, là. On s'en fout. Alors, on fait ça. On prend notre. Moi, je suis comme, oh, c'est tous des détails. On peut tout expliquer les épisodes en une phrase. Oui. Lol. Alors, on fera pas de mot de la fin, c'est ce qui nous amène à la podcast. Si vous voulez ne pas manquer notre conversation de la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner. On est sur Apple Podcasts, YouTube, Twitter, Facebook. Tous les liens sont sur notre site web onajusteunevie.ca. On est aussi distribué sur l'entredugeek.net. Mm-hmm. Ben, notre canal, c'est moi qui n'ai pas à jour, j'ai pas encore sorti celui de la semaine passée. Oh, oui. Parce que j'ai sorti celui de l'autre semaine avant. vous pouvez venir jaser avec nous sur Discord. On a le lien sur notre site web. Puis on a une room spéciale pour Evangelion. Mm-hmm. Que vous pouvez jaser de ça avec nous. Dans laquelle je pose des petites images un peu spoiler au fur et à mesure que j'écoute les épisodes. Merci. À ceux qui étaient dans le chat, merci à Blob et à Anne-Marie d'avoir été là ce soir. Merci à toi. Merci et on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie. Que là, ça a l'air que la pluie, elle repousse l'Halloween. Ah, pis que ça, c'est l'enfer. Je suis tellement salty pour ouvrir sur le monde qui chiale, là. Je sais pas vous autres, mais moi, dans mon village, quand j'étais petite, ça arrivait qu'on déplaçait l'Halloween, là. Parce qu'il faisait pas beau, parce que ça tombait genre un lundi, pis... Moi, je m'en fous, à part que je trouve ça drôle d'avoir l'air d'un vieux chialeux qui dit « Dans mon temps, on passait l'Halloween à la pluie, pareil, pis... » Mais c'est parce qu'il y a bien du monde qui le font non-ironiquement, genre... C'est ça qui est genre qu'il y a pas de maudit bon sens. Là. Je trouve juste. Mais en fait, je trouve juste ça. Je trouve juste comme. Comment on fait pour décider que l'Halloween est repoussé? Moi, c'est mais ça. C'est la ville. La ville? Ouais. Depuis quand la ville décide? Ben, en fait, pour vrai, j'y pensais, là. Puis. Moi, c'est pas pire. Dans... Quand j'étais jeune, c'était un village, tu sais. Puis tous les enfants étaient en même école. Fait que t'avais juste à le dire aux enfants à l'école. Puis tout le monde allait le savoir, tu sais. C'était pas compliqué, là. Là, je me disais, probablement qu'à cette heure, vu à cause des réseaux sociaux et d'Internet, c'est juste vraiment plus facile d'envoyer un message à tout le monde, tandis que dans le temps, t'aurais comme pas pu... Tu sais, la moitié du monde l'aurait reçu, la moitié du monde l'aurait pas su, bah... Tu sais, les gens profitent des technologies de l'information pour envoyer des messages, puis là, tout le monde chiale. Fait que là, ça veut dire qu'il y a deux Halloween. Genre. Fait que... Oh, man! Être un enfant wise, là... T'es comme, hey, on peut passer l'Halloween deux fois! Ouais, c'est vraiment drôle, tranche de vie. Ma mère, hier, était comme, ben voyons donc, c'est ça, repousser l'Halloween. Ma mère est enseignante de métier, maintenant retraitée, mais elle a été enseignante toute sa vie. 20 minutes plus tard, elle réécrivait dans Convo pour faire, ah, ben, si l'Halloween, c'est le vendredi, les enfants seront pas fucking bourrés, pleins de sucre, énervés à courir partout le lendemain à l'école. Ceci est une excellente fucking idée! Tu peux aussi aller à la pharmacie t'acheter une boîte de petits chocolats. Ben, en fait, comme à chaque année, je me dis que je fais ça, puis genre, à chaque année, j'arrive à la pharmacie, puis je regarde à quel point c'est sur-emballé, puis ça m'écœure, puis je le fais pas non plus. Faut vraiment juste que j'aille au Bulk Barn, puis que je m'achète un paquet d'affaires. Fait qu'il y a en manque. Je pense que tu les as toutes sur Netflix, mais il y a... Ah, je suis pas sûr. T'as la version... c'est celui complet. C'est juste qu'à chaque film, il en rajoutait de plus en plus. Mais, okay. Fait comme... Je les avais toutes écoutées, puis il n'y a pas tant de différence. Oh mon Dieu. Excusez les tags sur Netflix pour The End of Evangelion, c'est gory, violent, puis exciting. Ben ouais.